disciples, c'est justement ceux qui ne sont pas Charlie qu'il faut repérer. Il faudra avoir son certificat de vaccination comme un laissez-passer pour être dans la société. Le président s'est prononcé pour un isolement contraint des malades du Covid. Contraint, on l'écoute. Je souhaite que le gouvernement et le Parlement prévoient les conditions pour s'assurer de l'isolement des personnes contaminées, y compris de manière plus contraignante. On peut imaginer que chaque individu accepte, volontairement ou sans le savoir, une puce en lui qui contiendrait toute une série d'informations sur lui. Tout d'un coup, on veut republier les textes antisémites de Céline. C'est un scandale. On est là encore. Alors qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez nous tuer? Bah, dites-le plutôt clairement. Bonjour à tous, chers amis, je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission de Démocratie Participative, saison numéro 6, épisode numéro 11. Je procède au rappel traditionnel de cette émission. Vous pouvez nous contacter sur notre adresse email, démocratie participative, en un seul mot, pas d'action sur démocratie, @protonmail.com. Je répète, démocratie participative, en un seul mot, pas d'action sur démocratie, @protonmail.com. Je vous invite aussi à vous inscrire sur le forum Europe Écologie Les Brins, à l'adresse suivante, eelb.su. Ce forum vous permet en fait de commenter les faits d'actualité, et même de parler de crypto-monnaie, et de toute une série d'autres sujets. N'hésitez pas donc à vous y inscrire et à y participer. Avant de remercier nos donateurs de cette semaine, comme chaque semaine, je vais présenter bien sûr les participants de notre émission de ce jour, qui nous font le plaisir d'être avec nous. Alors, je vais commencer avec Wittmann, qui nous fait le plaisir d'être avec nous aussi cette semaine. Salut Wittmann. Salut Gandalf, bonjour à tous les membres de l'équipe et à tous nos auditeurs. Et aussi avec nous cette semaine, Fulbert. Salut Fulbert, j'espère que tu vas bien, Fulbert. Fulbert va bien, comme toujours. Bonjour Gandalf et bonjour à tous. Est avec nous aussi cette semaine Diabolix. Salut à toi Diabolix. Salut Gandalf, bonjour à tous les auditeurs et que la force soit avec vous. Nous rejoint aussi pour cette émission ce cher Alexis, le monsieur science peut-être de l'émission qui apporte des faits, rien que des faits au fond. Ah, bonjour à tous, en tout cas nous verrons bien ce que ça donnera aujourd'hui. Enfin, est aussi avec nous Pierrot. Salut Pierrot, j'espère que tu vas bien Pierrot. Bonjour Gandalf, bonjour à tous. Alors peut-être que Poporovic nous rejoindra, je ne sais pas, nous verrons bien ce qui se passera durant cette émission. Avant de commencer à proprement parler, eh bien, on va remercier nos donateurs, merci à tous ceux qui nous soutiennent. Grâce à vous, en fait, on peut tout simplement continuer d'exister. Vous savez que nous sommes sous le coup permanent de la censure. Nous sommes très régulièrement censurés, je ne vous apprends rien. Et nous avons aussi des gens qui font tout pour essayer de nous arrêter. Et grâce à votre soutien, eh bien, on peut continuer porter une voix alternative, dira-t-on. Donc merci à tous nos donateurs qui ne se manifestent pas, qui tiennent à leur anonymat. Nous pensons bien sûr à vous, c'est sûr. Mais il y a aussi ceux qui nous écrivent un petit mot, auxquels on tâche de répondre, bien évidemment, et de confirmer hein, lorsqu'ils demandent les dons. Ça peut prendre du temps, et aussi, il arrive parfois que les mails passent en spam, qui échappent à notre attention, malheureusement. Donc, si jamais vous ne recevez pas de réponse, n'hésitez pas à nous relancer. Ça peut arriver qu'un mail n'ait pas été lu. Alors, le don de cette semaine, on a reçu un courrier, en tout cas, en ce sens. Bonjour messieurs, je vous ai fait un don de 0,28 Monero hier soir. Je tiens comme toujours à saluer la qualité de vos émissions et de vos articles sur le site DP. À bientôt. Et donc, c'est un... Je ne peux pas donner le nom, parce qu'il m'a toujours demandé de ne pas citer, mais bon, il est originaire d'une très belle ville. il signe de ce nom, le nom de la gentilité. Voilà. Alors, messieurs, je vous propose de commencer tout de suite l'émission avec notre première rubrique, courrier des lecteurs. Nous avons reçu des témoignages. Vous savez qu'on apprécie beaucoup les témoignages, je le disais encore la semaine dernière, donc n'hésitez pas, si vous avez des anecdotes à nous livrer et à partager avec les autres auditeurs, n'hésitez pas. Alors là, ce courrier est signé tout simplement un démocrate participatif, donc voilà, il n'est pas... Il n'y a pas de détails personnels. Alors le courrier, j'ai dû bien sûr veiller à enlever quelques petits détails qui auraient permis peut-être d'identifier comment dire, l'auteur de ce témoignage. Donc voilà. Mais il a toute sa valeur. Alors je vous le lis. Cher démocrate participatif, du vécu. Rien que du vécu. Je suis encore sur les nerfs à cause de ce que mon fils vient de me raconter il y a 2 heures en rentrant de son collège. Petit positionnement géographique. J'habite le chef-lieu de l'Eure, à Évreux. Ville encore baignée par la ruralité, mais largement métissée, en raison d'une municipalité abonnée depuis des années au clientélisme et qui abreuve d'euros ses 3 quartiers prioritaires, la Madeleine, Navarre, et Netreville. Si Netreville ressemble encore à un quartier pauvre où les blancs alcooliques parviennent à survivre avec leurs nègres, le quartier de la Madeleine est, est rempli de toutes les races, mais surtout pas de races blanches. Turcs, nègres, arabes s'entremêlent, avec maintenant une forte population tchétchène. C'est vrai qu'ils font parler d'eux beaucoup ces temps-ci, enfin de plus en plus fréquemment, dirais-je. Il y a encore eu un règlement de compte, là, reine mortelle. Rappelons également que le terroriste assassin de Samuel Paty venait de ce quartier, justement. Ah, ça, c'est intéressant. Seul point positif, les Juifs ne sont pas ou peu visibles dans cette ville. Mais revenons au sujet principal. À cause du découpage scolaire géographique, mon fils devait faire sa rentrée au collège X. Collège situé en plein milieu d'une ZUP et classé en ZEP. Autant vous dire que sa blanchitude aurait fait tache. Afin de préserver son avenir, nous avons décidé de lui payer un collège catholique et privé dans le centre d'Évreux. Très bonne population d'élèves, fils et filles de bonne famille, les seuls rares arabes étant évidemment des musulmans aux familles plutôt fondamentalistes qui se servent de nos écoles privées, censées être plus ouvertes d'esprit sur le sujet de la religion. Après une très bonne sixième en collège, le voilà propulsé en cinquième. Sa conseillère principale est une grosse chiadasse au teint mat, répondant au doux nom de Madame X. Signe d'une erreur d'aiguillage au moment du choix de sa religion, mais bon, pourquoi pas. Et aujourd'hui, mon fils vient me dire que cette bonne femme a fait le tour des classes pour expliquer qu'en cette période de carême, le collège avait décidé de solliciter les élèves pour apporter une aide matérielle à une association de notre ville qui s'occupe de l'aide sociale aux mères célibataires de ce quartier. Couches, petits pots, vêtements et autres biens sont ainsi quémandés auprès de nos enfants pour aller aider les putes à nègres du quartier. Là où j'espérais trouver une école catholique qui ferait la promotion de la famille et du travail, je suis face à une école qui vient expliquer aux enfants qu'ils peuvent se faire... Oui, plus tard, dira-t-on sûrement quand ils sont à l'âge adulte, quoi, se faire bourriquer par des nègres sans s'inquiéter de l'avenir, puisqu'il y aura toujours des cons de blancs qui viendront les aider quand leurs nègres seront partis bourriquer d'autres nanas en laissant femmes et enfants. J'ai donc vertement expliqué à mon fils que la société devrait récompenser ceux qui se battent pour maintenir une cellule familiale, comme nous savons le faire avec ma femme, et que si ces connes voulaient des couches pour leurs mômes, elle n'avait qu'à se tourner vers les pères et non les pères spirituels. Si je conçois encore que l'Église apportait son aide aux mères célibataires quand leur mari était mort sur les champs de bataille face à l'envahisseur, c'est aujourd'hui tout le contraire et on vient éduquer les petits blancs à aider leurs futurs grands remplaçants, fruits de putes ayant ouvert leurs cuisses aux envahisseurs précisément. disposant de 15 jours devant moi pour proposer un colis à cette association de nègres, et ne disposant pas de souche de variole à glisser dans les vêtements, je compte sur votre belle imagination pour m'apporter quelques bonnes idées à glisser à destination de cette population. Merci pour tout le boulot que vous faites, la richesse de vos articles et votre podcast hebdomadaire que j'écoute avec joie et que je conserve précieusement pour le glisser un jour dans les oreilles de mon fils qui sera devenu en âge de comprendre. Amitié sincère, et c'est un démocrate participatif. Alors premièrement, merci pour ce témoignage, cher démocrate normand du coup. Hein. Je ne sais pas si c'est d'adoption ou s'il est normand d'origine, mais en tout cas on est content de recevoir son courrier. Alors c'est un appel à l'imagination, moi j'aime bien l'imagination au pouvoir, comme disait l'autre en 68. Alors, est-ce que vous avez des idées, comment dire, pour les collectes, pour le tiers? Jadis à l'école, moi, quand j'étais à l'école, donc ça remonte un peu quand même, hein. On va pas en rajeunissant, bien sûr. Mais quand j'étais à l'école, moi, ils faisaient aussi des quêtes comme ça, vous savez, ramener tout ce que vous pouvez, etc. Mais c'était souvent pour des Somaliens. D'ailleurs, Kouchner, c'est comme ça que moi je l'ai connu. Sous Mitterrand, oui, voilà à peu près, quoi. Où il avait dit, voilà, il faut aider, je sais plus quel pays, les Somaliens, je crois, qui crevaient la dalle. Ouais, je crois que c'est ça. Et mais à l'époque, c'était quand même en Afrique, quoi. Hein. C'était, voilà, on va faire du fret, on va les envoyer, etc. Alors maintenant, il se trouve que l'Afrique s'est déplacée chez nous, que le tiers-monde s'est déplacé chez nous. Donc la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons plus à expédier nos dons et nos colis à des milliers de kilomètres. C'était quand même compliqué. Plus besoin de se casser la tête. Maintenant, vous pouvez directement aider le tiers-monde dans votre ville et même dans votre propre quartier. Voilà, ça c'est la bonne nouvelle. Donc il y a une évolution en quelques décennies. Alors, est-ce que vous avez des idées? Et si vous n'avez pas d'idées, qu'est-ce que vous pensez en premier lieu de cette histoire? Bah Gandalf, qu'est-ce que toi t'avais donné à l'époque pour la Somalie déjà? Bah moi j'étais, bah nous on était gamins, donc si tu veux, puis on nous laissait pas le choix. Alors on disait les enfants, il faut donner un truc, hein, alors demander à vos parents, etc. Alors bon, on avait dû donner du riz, je crois. On était allé à l'école avec, on avait apporté nos petits sacs de riz, tu vois. D'où le lien avec Kouchner. Mais c'est authentique, hein, ce que je vous dis, hein. Et parce que les gens étaient très naïfs à l'époque, c'était dans l'idée. On avait encore la représentation du tiers monde qui prévalait dans les années 60, qui était un tiers monde qui était traversé de famine, etc. Alors évidemment, ça correspond plus du tout à la réalité aujourd'hui, puisqu'avec tous les programmes alimentaires internationaux, maintenant, les nègres sont gras et gros. Et se portent très bien, tellement bien qu'ils se reproduisent comme des lapins, je veux dire, dans tous les sens. Quoi. Donc non, l'Afrique ne meurt pas de faim, la preuve, il y en a de plus en plus d'Africains. Bon. Donc oui, mais on avait joué le jeu, la société était totalement différente d'aujourd'hui, je veux dire, le remplacement ethnique n'avait pas du tout pris l'ampleur qu'il a aujourd'hui. Quoi. On était encore, je veux dire, au début des années... Oui, les années 80-90, quoi. Enfin, début, quoi. Ouais. Alors, pour le coup... Rassure-toi, rassure-toi, rien n'a changé. Sur YouTube, tu as des gugus qui partent dans des camions aménagés pour aller visiter l'Afrique. Et le premier truc qu'ils font, c'est expliquer aux auditeurs de leurs vidéos qu'ils vont aller là-bas pour aller distribuer des vêtements, des cahiers, des crayons dans les villages africains. Donc en fait, c'est un éternel recommencement. C'est merveilleux. Moi, à mon époque, on nous demandait de collecter des boîtes de lait. On nous demandait de collecter cahiers, crayons, taille-crayons. Mais ça ne change pas. Ça... La seule chose, oui, comme tu le dis si bien, c'est clair que maintenant la distance est moins longue parce qu'il suffit simplement d'aller, deux blocs plus loin pour déposer nos affaires auprès des miséreux. Mais sinon, bon, c'est toujours le même type, c'est toujours le même truc, ça ne changera pas. Quoi. Il faut toujours donner dans les écoles chrétiennes. Alors, le paradoxe, c'est que bon, je le vois bien dans l'école que moi j'ai fréquentée. Quand j'ai fréquenté mon école, il y avait, pour l'intégralité de l'école, je crois qu'il y avait deux nègres. Enfin, il y avait une négresse et quelque chose de plus ou moins cramoisi qui ressemblait à ce genre de choses, indéfini, disons. À l'heure actuelle, il y n'y a plus que ça. Il n'y a absolument plus que ça. Les blancs, tu les comptes sur les doigts d'une main. Mais il n'y a pas de grand remplacement. Là, le pauvre monsieur, il est à Évreux, quoi. Alors, je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà baladés dans les coins d'Évreux, mais c'est triste. Hein. C'est très gris. Mais je ne parle pas du climat. Hein. Non, mais ouais, ouais, il donnait à bouffer à l'Afrique. Pourtant, il y avait marqué, hein, ne nourrissez pas les animaux. Hein. Mais bon, c'est... Alors, vous pouvez vous amuser à vous balader dans l'île, hein, c'est pas mal non plus. Il hein. n'y a plus une ville française qui échappe. Tu peux plus dire il y a une ville qui est pire que le bon. Si, il y a sûrement toujours un, voilà, des villes où c'est un peu plus craignos, mais grosso modo, toutes les villes françaises ou belges sont au même régime, quoi. Ça, c'est tout à fait évident, quoi. Alors moi, j'ai pas d'idée de colis à refiler, si ce n'est que peut-être que j'en refilerais pas, tout simplement. Enfin, moi, si j'étais concerné, en tout cas, je dirais non. Vu la surpopulation, ils pourraient faire des colis de préservatifs. Non, mais faudrait, enfin, si on peut donner des colis de bouffe, enfin, si on peut profiler de la bouffe, faut évidemment, alors là, c'est vraiment pour les faire chier, faut donner du truc avec du porc, évidemment. Là, c'est un truc classique, voilà, tu vois, un bon cassoulet, là, tu vois, ça fait marrant, tu vois, un bon cassoulet du pays, tu vois, un truc que t'as acheté, tu sais, pas le cassoulet William Sorin, tu prends un truc un peu propre, avec des grosses saucisses apparentes, là, tu vois, dans des bocaux, là. La belle saurienne. Ou de la choucroute. De la choucroute. Pas mal. Ouais. Ou du pâté de porc, tout simplement. Ouais. Sinon, des masques chirurgicaux usagés. En pleine période de Covid-19. En plus, parce que je sais même pas si c'est légal, d'ailleurs, de transmettre des objets comme ça, déjà, premièrement. En temps normal, on nous rend avant le Covid, on était déjà rentré dans un hygiénisme maladif. Et en plus, là, avec des histoires de virus... Je sais même pas si c'est dans les clous, quoi. Non, ça dépend souvent de la race. Souvent, les écoles catholiques... Ça dépend de la race. Ouais, les écoles catholiques, souvent, ils faisaient une opération bol de riz, là. Ouais. Donc, c'était en fait des privations de carême. Les élèves mangeaient un bol de riz plutôt que de manger un repas complet. Et puis, donc, ça dégageait, je sais pas, 3 ou 4 euros par personne. Ce qui faisait que avec cet argent-là, c'était je ne sais plus quelle action qui était financée. Mais souvent, c'était aussi en lien avec l'Afrique, effectivement. Ah bah, là, on a l'Afrique sur place, désormais. Bah oui, c'est ça aussi. Ouais. Non, mais l'Église catholique développe ses parts de marché. Hein. Je veux dire, il faut en avoir conscience aussi. Hein. Quand ils font ce genre d'opération, évidemment, ils présentent ça aux gens en disant « Ah, vous savez, il faut être gentil, il faut être généreux. » Non. C'est bien évidemment intéressé. Hein. La stratégie de l'Église catholique, c'est de soutenir à fond l'immigration de masse. Hein. Pour de pures raisons de part de marché au sens strict démographique, ni plus ni moins. Ils ont compris que les blancs n'allaient plus à la messe. Bon, bah, ils en prennent leur parti. Ils ont décidé d'opter pour de nouvelles populations, pour parler pudiquement. Voilà. Donc, mais moi, oui, bon, si j'en reste sur les suggestions, je m'attacherai à du porc, des trucs au porc. Ouais. Mais carrément, ouais, mais je crois que j'irai carrément. T'as raison. Allez, je crois que j'irai carrément vers le pâté, quoi, carrément, ouais. Ouais, je vais même pas me faire chier avec du cassoulet ou de la choucroute, tu vois. On va carrément aller droit à l'essentiel, tu vois, du pâté en conserve. Ouais, parce que filer de l'alcool, ça pourrait causer des problèmes, voilà. Filer de la nourriture, qu'est-ce qui nous emmerde? C'est bon, on a le droit de filer ce qu'on veut, donc voilà. Tu fais un peu le naïf, voilà. J'aime beaucoup l'idée d'Alexis, sinon, avec les masques usagés, un peu façon conquistador, tu vois, t'arrives. Tu donnes des couvertures avec le typhus, et après, t'es bien, quoi. Alors, par contre, comment dire, tu disais, ouais, on a le droit de donner ce qu'on veut. Y a déjà, par exemple, les Restos du Cœur n'acceptent plus porc. Hein. Grosso modo. Ah oui, ça fait longtemps, ça. Ouais, ouais, voilà. Alors, bon, ça dépend. Je sais, c'est pas une politique officielle. Hein. Ils disent pas, voilà, ne donnez pas de porc. Mais en pratique, quand tu veux donner quelque chose, parce qu'il y a des gens qui sont naïfs, quoi, ils vont donner. Ils pensent que ça va vers les pauvres, tu sais. Il y a beaucoup de gens qui donnent parce qu'ils pensent que ça aide les pauvres. Ils aident le Secours Populaire, ils aident les Restos du Cœur, ils aident ou d'autres organisations en disant « Ouais, je vais aider des gens pauvres. » Non, tu aides des nègres qui sont déjà à la CAF surchouchoutés par les assistantes sociales et tout, et qui veulent, si tu veux, qui veulent vraiment baffrer. Moi, je l'ai vu de mes yeux, hein, j'ai vu la queue au Restos du Cœur, parce que quand j'étais étudiant, je fréquentais un établissement qui se trouvait être voisin d'une antenne des Restos du Cœur, bah, je voyais bien qu'ils faisaient la queue le matin. Hein. c'était que des négresses en boubou, hein, et quelques algériennes, quoi. C'était essentiellement ça. Il y avait très peu de blancs, pratiquement pas de blancs. Ces populations-là, et je vous assure, ils n'étaient pas faméliques, hein. Ils n'étaient pas au bord de l'inanition, loin s'en faut. Hein. C'était des négresses qui étaient vraiment très bien portantes. Hein. Très, très bien portantes. Ah bah, si vous voulez que des nègres s'agglutinent, vous criez le mot magique gratuit, et normalement, ils apparaissent. Hein. Tout à fait. Alors oui, je note dans le courrier de notre auditeur, il avait une idée très arrêtée sur l'enseignement catholique. Oui, je comprends qu'il y a une certaine forme de déception, en fait, mais c'est du catholique sous contrat. Donc c'est du catholique. Voilà. C'est ça, c'est du catholique sous contrat, donc il faut comprendre que l'enseignement catholique sous contrat, si vous voulez, catholique, c'est... Bon, dans les faits, effectivement, l'évêque du diocèse est à la tête du conseil d'administration, normalement, hein, c'est lui qui supervise toutes ces écoles, mais c'est d'abord et avant tout un moyen de... Enfin, c'est un business, quoi, hein, ni plus ni moins, hein, c'est... Et comment dire, dans ces écoles-là, il n'y a plus du tout d'enseignement. Enfin, il doit y avoir vaguement un enseignement aux religions, au pluriel optionnel. D'ailleurs. Optionnel. Ouais, c'est optionnel, mais c'est au pluriel. Alors en fait, on vous présente simplement les religions qui existent. Mais même ça, dans l'école publique, on le fait, je veux dire. Bon, voilà, mais jadis, l'enseignement catholique, quand je dis jadis, évidemment, c'était dans les années 1900, même avant 68, quoi, 1960 à peu près, 70 peut-être. Il fallait participer. L'enseignement catholique supposait d'avoir une pratique religieuse. Donc on assistait à la messe. Souvent l'enseignement d'ailleurs était dispensé par des religieux ordonnés. Souvent c'était des frères ou des bonnes sœurs. La normalisation, entre guillemets, de l'enseignement catholique est quelque chose d'assez récent, somme toute. Hein, ça a à peu près 50 ans, quoi. Il est très difficile de distinguer l'enseignement catholique de l'enseignement public, je veux dire, au niveau de ce qu'on y enseigne. En revanche, et là où je suis d'accord, le public sera quand même différent. Hein. C'est sûr que dans l'enseignement catholique, vous aurez encore quand même, pas tout le temps d'ailleurs, mais beaucoup de familles blanches, même si beaucoup de musulmans qui veulent avoir la paix au plan religieux, c'est-à-dire des filles qui veulent porter le voile, etc. Encore que je ne sais pas, tiens, ça je ne sais pas si dans l'enseignement catholique sous contrat, est-ce que les filles doivent enlever leur voile, les jeunes filles musulmanes, je ne sais pas. Là, je suis incapable de répondre. Mais disons qu'ils vont là parce que, voilà, on comprend qu'ils ont une pratique religieuse et donc ils ont un rapport, comment dirais-je, beaucoup plus apaisé, entre guillemets, avec l'institution scolaire. Il y a une sélection par l'argent aussi, important, puisqu'il faut payer, oui. Même si c'est une somme assez modeste. Donc du coup, les gens de la bourgeoisie, enfin pas la bourgeoisie forcément, mais la classe moyenne musulmane, ils vont aussi mettre leurs enfants là-dedans, ce sera plus simple. Et leurs gamins apprendront mieux pour une cinquantaine d'euros par mois, ou quelque chose comme ça. Ouais, mais c'est un filtre par le portefeuille, ouais. Donc, mais Gandalf a raison de préciser que sur le côté de la doctrine, je crois qu'il n'y a rien qui change, hein, vraiment rien. C'est exactement les mêmes programmes. Alors que les écoles privées hors contrat, donc ils ont un programme à suivre, mais ils sont beaucoup plus libres dans l'application. Et ils sont même très très libres dans l'application. C'est d'ailleurs pour ça que les gouvernements successifs leur font la guerre et leur enlèvent des libertés au fur et à mesure. Seulement, bien sûr, les écoles privées hors contrat, il faut accepter déjà que son enfant soit en pension complète. Donc ça, c'est le choix de chaque famille. Vous laissez votre gamin le lundi matin, vous venez de récupérer le vendredi en après-midi. Donc forcément, vous passez moins de temps avec votre enfant. Mais il y a une plus-value absolument énorme en termes d'éducation. Voilà. D'ailleurs, il y a aussi une autre forme d'éducation dont on pourrait parler, parce qu'en ce moment, ça fait un peu l'actualité. C'est l'école à la maison. Donc là, par contre, ça fait un filtre énorme au niveau du portefeuille parce que c'est une éducation à la maison qui coûte très cher. Parce que vous devez payer un certain nombre de trucs. C'est vraiment pas à la portée de tout le monde. Et donc, dans les faits, les familles qui font ça, c'est clairement des familles françaises, traditionnelles, bourgeoises, vraiment, hein, qui ont vraiment beaucoup de blé, quoi. Ça coûte vraiment un sacré paquet de pognon. Et donc, c'est assez cocasse. Macron qui fait passer sa loi sur le séparatisme, là, qu'est-ce qu'il vise, entre guillemets? Bon, il veut Il veut, entre guillemets, viser les djihadistes, d'accord ? Donc, j'appelle ça des islamistes, lui, ils appellent ça des djihadistes. Et donc, il fait passer aussi un petit décret sur l'école à la maison là-dessus. Ça ne concerne pas du tout les musulmans. Il doit en avoir quelques-uns, mais en termes de statistiques, c'est très peu. D'ailleurs, maintenant, il y a une des réglementations qui a changé là-dessus. Avant, les familles faisaient simplement une déclaration selon, voilà, j'ai nombre d'enfants, je fais l'école à la maison, et c'est quelque chose qui est très surveillé. Hein. Les inspecteurs qui passent régulièrement dans les familles, vérifier que l'instruction est correctement enseignée, ça rigole pas, quoi. Et maintenant, c'est soumis à autorisation préalable. Donc, si vous avez une petite étiquette, je sais pas, facho, bah, l'autorisation, ça pue, quoi. Bah, ça passe par la préfecture, il y a un travail de filtrage politique, évidemment, mais le filtrage politique contre les nationalistes, pris au sens très large, s'applique pratiquement à tout maintenant, hein, évidemment, le port d'armes. Ce que je peux comprendre, je veux dire, là, je veux dire, sans je veux dire, dans l'absolu, si vous voulez, vous ne voulez pas que des armes se retrouvent entre des mains qui pourraient faire à peu près n'importe quoi avec, je veux dire, bon, ça me choque pas. Mais l'application réelle qui en est faite est extrêmement abusive. Vous avez des tas de cas maintenant de gens qui sont suspectés d'avoir des sympathies nationalistes et immédiatement, en fait, ils se voient confisquer leurs armes. Ou alors simplement parce qu'ils ont fait des déclarations. Je crois qu'il y a Pierre Cassin, ou Cassin, je ne sais pas comment on prononce, de Riposte laïque, qui s'est fait confisquer ses armes. Alors qu'on sait très bien que, je veux dire, c'est un sexagénaire. Bon, voilà, on sait très bien que c'est pas quelqu'un de dangereux, je veux dire. Et d'ailleurs, qui reçoit, à mon avis, un certain nombre de menaces très précises de la part d'islamistes qui veulent, j'imagine, l'assassiner parce qu'il parle mal de l'islam. Donc on pourrait se dire que être armé, dans un tel cas, j'allais dire, c'est le minimum syndical. Ben non, le gouvernement, via la préfecture, lui a confisqué ses armes. Bon, des cas comme ça, de gens qui ne font qu'exercer leurs droits, sont de plus en plus fréquents, quoi. Les gens ne se rendent pas compte. Moi, ça me frappe, ça. Les gens ne se rendent pas compte que leurs libertés, j'entends souvent ça, dire ouais, les libertés sont réduites. Non, leurs libertés sont proprement suspendues. Quand vous intéressez à ce qui se déroule, non, en pratique, les libertés ont été totalement suspendues. Hein. Voilà, le gouvernement s'est arrogé des prérogatives dans tous les domaines, et maintenant, voilà, ils violent vos droits sans aucune espèce de retenue. Sur le domaine de l'enseignement, c'est bien que tu aies soulevé la question de la loi sur le séparatisme. Typiquement, ça, c'est des machins où ils mettent de tout. Ça, c'est caractéristique. Parce que c'est marketé d'une certaine façon, dans l'opinion, c'est la loi contre les bougnoules. En gros, c'est ça. C'est la loi de Macron contre les bougnoules. Bien. Puis quand tu creuses, tu vois que Macron a des intentions électoralistes et ça marche toujours de la même façon. Donc c'est vendu à l'opinion de droite, parce que c'est ça que la stratégie de Macron en 2022, c'est de faire le plein des voix à droite, au premier tour. C'est ça son idée. Donc c'est vendu comme une loi contre les bougnoules, et en pratique, comme à chaque fois, c'est une loi contre les mecs de droite. C'est toujours comme ça, avec la République française. C'est tout le temps comme ça. Tu peux te dire, quand le truc est déclarativement anti-islamiste ou je sais pas quoi, tu peux être sûr que ça va viser que des blancs, ce truc. Ça, c'est garanti. Et effectivement, l'enseignement... oui, il y avait une volonté d'exercer un plus grand contrôle sur l'enseignement, que ce soit notamment l'enseignement à la maison, mais même aussi l'enseignement hors contrat. Bah, en fait, il y a juste... Enfin, tout simplement, il n'y a pas de musulmans qui suivent des cours à la maison. Ça n'existe pas. De la même manière, l'enseignement religieux islamique, enfin dans des écoles religieuses islamiques, donc ce qu'on appelle des madrassas, en fait, hein, est infinitésimal. Il y a très peu d'écoles musulmanes en France. Très très peu d'écoles musulmanes en France, hors contrat. Ça n'existe pour ainsi dire pas. Il y en a quelques-unes, et elles sont connues effectivement comme étant proches de la mouvance islamiste. Bon. Mais ce n'est pas représentatif. En revanche, il y a beaucoup d'écoles hors contrat qui sont des écoles, soit des écoles confessionnelles catholiques chrétiennes, quoi, soit des écoles à caractère pédagogique. C'est-à-dire, ce sont des gens, ce sont des équipes pédagogiques, des professeurs, qui veulent pratiquer une pédagogie bien particulière, qui n'est pas admise, en fait, par le ministère de l'Éducation dans les écoles publiques. Et ils veulent, en fait, ben, enseigner de la manière qui leur plaît. Je dois dire d'ailleurs, d'après les résultats, souvent avec succès. Et donc, voilà, c'est pour ça qu'ils procèdent comme ça. Il y a aussi d'autres écoles, j'ai vu, il y en a une comme ça, où, qui n'est pas une école confessionnelle, où, en fait, le port de l'uniforme est obligatoire. Vous voyez, ce genre de truc, quoi. Donc, c'est une pédagogie différente, etc. Dans les écoles privées hors contrat, c'est souvent le cas d'ailleurs, hein, le port de l'uniforme est souvent obligatoire. Et il y a un tel niveau d'excellence de ce genre d'école, qui encore une fois, il n'y a pas de filtre par rapport au pognon. Il y a un filtre par rapport à la localisation spécifique de l'école. Il n'y en a pas partout en France non plus. Et le régime de pension complète par rapport à la demi-pension. Donc ça fait un filtre là-dessus. Mais en termes de statistiques de résultats par rapport au baccalauréat, ils ne sont pas en train de se poser la question s'ils vont avoir 80, 90, c'est-à-dire qu'ils ont un 99% de réussite au bac depuis 20 ans, et en fait, ils sont en train de se battre pour savoir s'ils auront aussi 50 ou 60% de mention très bien parmi ces gens-là, quoi. Donc c'est vraiment l'excellence, quoi. Alors, il y a aussi, une filière qui est trop peu étudiée, parce que là, en fait, qu'est-ce qu'il nous dit, en fait ? Vous avez remarqué dans le courrier ce que nous dit notre auditeur ? C'est, en gros, c'est comment échapper à la carte scolaire. Alors les bobos des grandes villes sont les spécialistes de l'évitement de la carte scolaire. Hein. Ils prêchent le sans-frontiérisme, l'ouverture à l'autre, la tolérance, etc. Mais il est bien entendu que ces gens-là n'ont aucune envie de mélanger leurs gamins avec des bougnoules et des nègres. Hein. C'est très clair, hein, je veux dire. Donc là aussi. Notre auditeur n'est pas un bobo, mais simplement il avait très logiquement chercher à éviter à son gamin de se faire totalement bougnouliser et négrifier quoi, au contact de ces populations. Et ça, c'est bien. Mais y a des moyens de facto d'y échapper. C'est, par exemple, et ça, je trouve que c'est pas assez soulevé, d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Mais si vous avez la chance de vivre dans une région française où il y a un enseignement en langue régionale, je vous invite à placer vos gosses là-dedans. Parce qu'il n'y aura pas de diversité, vous voyez. Vous aurez parfois quelques adoptés, ça arrive, mais ce sera grosso modo des langues, ce sera des établissements intégralement blancs. Alors, évidemment, l'encadrement sera de gauche, la plupart du temps, quoi. Bon, mais quelle différence avec l'enseignement public ? Tous les profs du public sont de gauche, je veux dire, ça ne changera rien. Donc vous pouvez placer vos enfants là-dedans, généralement ils ont de bons résultats parce que les équipes sont très motivées, parce qu'ils veulent réussir, parce que ce qui les motive c'est justement de transmettre une langue, et c'est pas pour autant qu'ils seront nuls en français ou en anglais aussi, je vous rassure là-dessus, hein. Je veux dire, vos enfants vont se familiariser avec le fait de manier plusieurs langues, très tôt quoi, donc ils vont maîtriser au moins trois langues, très très jeunes. Donc, ils vont devenir bons à l'école, et il n'y aura pas de diversité. Voilà. Alors, bon, évidemment, les profs sont de gauche, mais comme je le dis, c'est le cas aussi dans le public. Donc, ça, c'est des pistes de réflexion. Si dans votre région, vous savez qu'il y a un enseignement en langue régionale, pensez-y. Si vous avez des gamins et que vous allez devoir les scolariser bientôt, réfléchissez-y. C'est une très bonne alternative. Très bonne alternative. Hein, donc... Il y a des pistes de réflexion, parce que là, c'est vraiment la stratégie, quoi. Comment j'évite que mes gamins se retrouvent dans des établissements intégralement remplacés, quoi. Ça, c'est... Parce que le privé sature, en fait. En plus, vous savez, en France, il y a une loi, hein, pour interdire au privé de recruter davantage. Vous le savez, ça. Il y a un quota, hein. Ils ne peuvent pas dépasser, je crois, 20%, me semble-t-il, hein. Donc, si ça marchait uniquement sur la loi de l'offre et de la demande, je vous ai dit, il y aurait quelques établissements publics qui feraient faillite, hein. Voilà. Quelqu'un veut dire rajouter quelque chose, préciser un truc, réagir sur un point ? Oui, moi. Alors, pour en revenir à ce que ce brave garçon nous demandait, disposant de 15 jours devant moi pour proposer un colis à cette association de nègres et ne disposant pas de souches de variole à glisser dans les vêtements, je compte sur votre belle imagination. Eh bien, j'ai peut-être sa solution. J'ai peut-être sa solution parce que, à la douce époque des diamants de Bokassa, des avions renifleurs, cette époque que j'ai connue, il y a un saint homme qui a beaucoup donné pour la France. Un type absolument extraordinaire, qui a écrit un bouquin merveilleux. Et je propose justement à notre auditeur d'acheter ce bouquin en masse, et de l'offrir aux nègres. Ce bouquin, c'est le petit livre vert de l'ayatollah Khomeini. Ça va leur apporter une vision de l'islam extraordinaire. Tu peux développer un peu, ça m'intéresse ça. Ah ben, il n'y a aucun souci. Pendant que Monsieur Khomeini était en France, aux frais du gouvernement français, bien entendu, à l'époque importé par Mitterrand d'ailleurs. Voilà, au scandale des avions renifleurs, je vous conseille de voir sur Internet ce que c'est. C'était Oui, c'est pas mal ça. Ouais. C'était assez merveilleux. Il a eu tout le temps d'écrire un bouquin sur sa vision de l'islam et du chiisme. Alors, il expliquait qu'il ne fallait pas faire pipi face au vent parce qu'on risquait d'avoir les pieds mouillés. Il n'y a pas besoin d'être musulman pour le savoir. Attends, excuse-moi. Hein. Bon, c'est un livre éducatif à l'attention des foules. Par exemple, on peut sodomiser un âne, mais pas un cheval. Donc, il y a des tas de choses très intéressantes dans ce livre pour éduquer nos nègres. Et comme en plus, ce saint homme, cette grandeur du chiisme est absolument détestée par les sous-musulmans, les abjects renégats de la véritable voie de l'islam, ça va créer un choc. Tu parles des sunnites, là, tu parles des sunnites, donc. Et je parle de ces chiens. Tout qui n'est pas chiite est un chien. Ah bah écoute, c'est une bonne... La suggestion est lancée, alors bon, pour le coup... Et attention, parce que comme en plus il sera bien obligé d'acheter le petit livre vert de l'ayatollah Khomeini via l'ambassade d'Iran, ça permettra une fuite de capitaux français. Tu sais, cet argent que notre ami Macron tient absolument à récupérer, lui et les socialistes. Donc, quelque part, il fait le bonheur de notre mouvement deux fois. La première, en envoyant la peste et le choléra à nos petits copains les nègres, et en plus, en envoyant son pognon dans un pays qui est sous embargo total et qui en a bien besoin. Et on ne peut pas interdire à quelqu'un d'acheter un bouquin qui parle de l'islam quand même, ce ne serait pas logique. Hein. Ah, je suis conquis par ton idée là, je suis conquis par ton idée. Allah est grand, mon ami. Ah là là. Bon. Bon, bah, brainstorming, hein, en commentaire de l'émission, n'hésitez pas à faire des suggestions à notre auditeur, chers auditeurs, justement. N'hésitez pas à lui suggérer, voilà, des dons, hein, des dons pour satisfaire les terres nègres, car les terres nègres est une divinité qui a besoin de manger. Donc n'hésitez pas à faire preuve de créativité dans vos propositions. Alors messieurs, je vous propose de passer à la rubrique suivante, rubrique numéro 2. Autisme radical. Alors j'ai presque envie d'appeler ça les shadocs, presque. Alors ça tombait bien, j'ai vu que ça tombe bien que ça soit tombé dans les news cette semaine, puisqu'on en a parlé la semaine dernière. Vous vous rappelez, on avait parlé du fameux cirque de Chanteloup Leving qui était parti en fumée et qui avait coûté je sais plus combien de millions d'euros, vous vous rappelez? Puis on avait longuement parlé, de Pécresse et de tous ces hommes politiques, n'est-ce pas, et qui sont là aussi très créatifs avec les impôts des Français et qui arrosent tous ces quartiers pourris enfin pourris, pas au plan urbanistique, hein, parce que ils mettent du pognon là-dedans. Hein. Alors là, espaces verts, équipements divers et variés, on va en parler. Bon. C'est très propre. En revanche, ce qui vit, c'est pas pareil. Alors, ça avait cramé, mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, chers contribuables. D'ailleurs, je pense que nous sommes le premier podcast de défense des contribuables de France, à mon avis. Bonne nouvelle, on change pas une équipe qui gagne. Alors, voici les news. Actu.fr nous dit ceci, donc à Chanteloup-les-Vignes, hein. En remplacement du cirque brûlé lors d'émeutes urbaines, une salle polyvalente à 3 millions d'euros va être construite. Coût de l'opération, un peu plus de 3 millions d'euros, financé par la région à hauteur de 352 000 euros, Île-de-France, pour la partie scénographie, tribune télescopique, son et lumière, et par le département à hauteur de 1,5 million d'euros. Là, c'est Bédier, là, je crois, qui casque. Enfin, c'est les Français qui vont payer, mais bon, c'est lui qui fait le chèque, quoi. Pour la partie construction proprement dite, pour la municipalité, l'objectif est d'offrir aux Chanteloubais, alors de ce quartier-là, bien sûr, un nouvel espace culturel, la fameuse culture de ce quartier complètement bougnoulisé. Donc après l'incendie volontaire qui a désintégré l'Arche en novembre 2019 et aussi soulagé la vieillissante salle des fêtes. Il s'agira d'une salle polyvalente mêlant spectacle vivant et projection cinématographique avec une capacité de 200 places. À l'issue des 2 heures d'échange, au cours desquelles Neuza Tomassi a insisté sur l'importance de la culture plus que jamais indispensable au pied des immeubles, Lydia Hugues s'est montrée enthousiaste à l'égard des projets menés sur place. Alors effectivement, il y a la photographie là des femmes blanches qui sont à la manœuvre, car c'est une opération, l'article d'actu.fr est très clair. Les décideurs sont en fait des décideuses, elles sont toutes blanches, et alors elles ont envie de claquer du fric pour les bougnoules et les nègres de ce quartier, vous n'avez pas idée. Alors elles sont conquises par ce nouveau projet de salle polyvalente. Alors j'ai regardé les maquettes. Alors c'est le nec plus ultra, Est-ce qu'il y a un minaret ? Il n'y a pas de minaret, non, mais c'est le nec plus ultra, franchement, c'est le top du top du top du top. Très clairement, en dehors de ce genre de quartier remplacé d'Île-de-France ou de Lyon, etc., vous ne trouverez jamais d'équipement comme ça. Moi, j'en ai jamais vu personnellement dans ma région d'origine. J'en ai jamais vu, donc voilà, je peux vous le dire. Voilà, 200 places. Alors là, il y a peut-être un petit hic, parce qu'à cause du coronavirus, ce sera probablement fermé, interdit au public. Je ne sais pas comment ça va marcher, ce truc-là. Et puis, de toute façon, on s'en fout, parce que quand elle sera construite, elle sera de nouveau cramée. Mais bon, c'est pas grave. 3 millions d'euros, qu'est-ce que c'est, après tout bon. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ça Bon, on ne va pas développer pendant 1000 ans là-dessus, je crois qu'on en a parlé beaucoup, mais quand même, voilà. Maudit que je m'en veux, j'ai une question, Lo. Pour l'inauguration, est-ce que Céline viendra chanter? Si tu l'as fait venir. Ben, si les Français payent. Alors, vous êtes conquis ou quoi? C'est avec le pognon de qui, ça, déjà? Des suprémacistes blancs. Oui, bah ça va, quelque part. Réparation esclavage. Réparation colonisation. Fermez vos gueules, c'est tout. Rendez-nous l'Afrique, on vous rendra la CAF. C'est ça le slogan des négros. Ah, mais le problème, c'est que tu nous donnes l'Afrique. Dans 20 ans, c'est une superpuissance. Ils font le chemin dans le sens inverse. Donc, tu seras jamais gagnant avec ces gens-là. Voilà. Bon, j'ai voulu tenir nos auditeurs au courant, comme vous le savez. Voilà. Je suis soucieux de vouloir les tenir informés de l'utilisation sage de leurs impôts et taxes par les hommes politiques français qui, vous le savez, sont parmi les meilleurs hommes politiques du monde occidental. On se les arrache. Donc et tout ça est de droite, je précise, encore une fois, région Île-de-France, Pécresse, c'est la droite. Alors je sais, je suis d'accord avec vous, droite-gauche, ça ne veut plus rien dire, mais bon, pour quand même mesurer le truc, quoi. Je veux dire, c'est pas des excités du Parti Socialiste, ni des gens de chez Besancenot, quoi. Donc c'est Pécresse, et le département est géré, je me souviens que c'est Bédier, je crois que c'est Bédier, droite aussi, quoi. D'accord? Donc voilà. Ils ouvrent grand leurs coffres, qui sont vos coffres, pour donner comme ça à l'éternel, qui a faim, je l'ai dit, il a faim, des équipements extraordinaires pour faire vivre la culture. Donc, grosso modo, ce sera du rap. Donc, ils auront des scènes, et là, ils vont pouvoir se défoncer en écoutant des groupes de rap avant d'aller cramer des bagnoles, balancer des mortiers sur les flics, etc. Bon, ça risque aussi d'être... Non mais, bon, on en rigole. Il y aura de la pyrotechnie, c'est bien. Oui, c'est ça, il y aura son et lumière. Mais comment dire, on en rigole, moi j'en rigole, mais vaut mieux en rire de toute façon, mais c'est là que vous voyez que la France est gouvernée par des fous, au sens clinique du terme. C'est-à-dire que ils font des trucs, ça marche pas. Donc ils donnent de l'argent à des bougnoules, ils payent un tribut en disant voilà, ils vont se calmer. Donc on leur construit même des cirques. Je sais pas, un cirque dans une... J'avais jamais entendu parler de ça. Bon, voilà. Puis entre autres choses, hein, salle de sport. D'abord. Ils les crament. Réflexe. Bah, on va construire un truc encore plus coûteux. Comme ça, là, ils vont se calmer. Évidemment, les mecs recrament. Ça n'arrête pas. Il n'y a aucune raison, avec des fous pareils, que ça s'arrête. Ils ne s'arrêteront que quand il n'y aura plus de pognon. Alors, moi, je vois les Français me font marrer parce que... ils me font marrer parce que... Ils gueulent. Ils gueulent, le niveau de vie baisse, les impôts, quand même, augmentent, hein, sensiblement, surtout les taxes, d'ailleurs. Les infrastructures, bon, bah, ça tombe en lambeaux. Avec le Covid, on a vu ce que c'était l'hôpital français, hein, c'était quand même... Je sais pas très glorieux, je veux dire. Les mecs infoutus distribuent des masques, enfin, je veux dire. Bon, je crois pas du tout à l'utilité des masques, on s'entend, mais je veux dire, pour un État qui se donne l'objectif de distribuer des masques, alors les types, non, non, mais ça sert à rien, ça c'est au mois de mars. Mi-avril, non, mais en fait, il en faut, fin avril, ouais, c'est obligatoire, si vous en mettez pas, vous aurez des amendes, bande d'enculés, vous voyez. Et puis alors il dit, bon, bah, livrez-les-nous. Ah bah, on en a pas. Alors, comment on fait? Bah, on fait pas, voilà. C'est de la folie furieuse, quoi. Mais bon, hein, les Français ont la classe politique qu'ils méritent. Hein, je veux dire, elle n'est pas non plus arrivée là par hasard. Hein. C'est le reflet de la société. C'est le reflet de la société, hein, entre nous soit dit. Je veux dire, bon, c'est vrai qu'on accable souvent les politiciens, on a raison de le faire parce qu'ils sont, d'une médiocrité insigne, tout parti confondu. Hein. Et j'inclus le Rassemblement National, en tout cas au niveau national, peut-être pas leur maire, peut-être qu'ils tirent un petit peu leur épingle du jeu. Tous les maires sont pas nuls, d'ailleurs, hein. Pas caricaturé non plus, hein. Il y a des maires de communes modestes qui font un bon boulot avec très peu de moyens, je reconnais. Hein. Mais je veux dire, les maires des villes très où l'élection est très politique, donc d'une certaine taille, ou bien de régions ou de départements, là aussi c'est très politique, c'est très lié à l'affiliation à un parti, on peut pas dire que la qualité soit au rendez-vous. Moi je vois dans mon département d'origine, c'est de la folie furieuse, quoi. Je veux dire, ils crament du pognon, ils crament du blé, mais c'est ahurissant, quoi. Là c'est une femme, hein, c'est une présidente, pour le coup, c'est une présidente de département, socialiste, bien sûr. Ils crament le blé. Mais c'est des trucs à se taper la tête contre les murs. Genre, je vous donne un exemple, hein. Genre, t'as un nègre qui arrive, il est clandestin. Tu sais pas pourquoi ? T'as un article dans la presse, enfin, tu sais pourquoi il y a un article dans la presse, je veux dire, il y a un gauchiste qui écrit un article, ah, au secours, mon Dieu, il risque l'expulsion, machin. Putain, t'as le département qui rentre dans la danse, alors, il est pris intégralement en charge. Intégralement. Alors, qu'est-ce que ça supposait ? Enseignement professionnel, pendant 2 ans. Logé, nourri, bien sûr. Du cash, tous les mois. Argent de poche, il y avait toute une autre série de dispositifs sociaux, on lui a même trouvé un employeur. Et à côté de ça, moi c'est ça qui me frappe, quoi. À côté de ça, t'as des chômeurs longue durée dans le département, tu vois. Les mecs rêveraient qu'on s'occupe d'eux comme ça, quoi. Tu vois, qu'on leur dit, voilà, lui, ça fait plusieurs années qu'il est au chômage, il n'arrive pas à s'en sortir, ça, bon, allez, là, on va l'aider, lui, on va l'aider à s'en sortir, etc. Le mec, ça fait jamais, on n'en parle jamais. Alors lui, il est prioritaire, il grille toutes les listes, et ça, c'est un exemple, quoi. Et il y a aussi, alors ça, c'est le gros truc du mot, ça fait parler, mais pas trop parler, en fait. C'est ce qu'ils appellent, faussement d'ailleurs, les mineurs étrangers isolés. Donc en gros, les clandestins qui se disent mineurs. D'ailleurs, on a découvert que, statistiquement, hein, la très grande majorité d'entre eux est en réalité majeure. Hein. Bon, pour nos auditeurs, ce ne sera pas un scoop, mais. Mais mon département d'origine, ils en ont toute une série comme ça. Et le fric qui claque là-dedans, c'est incroyable. Et c'est un mineur comme ça, par le département qu'il prend en charge, donc il y en a je ne sais pas combien hein, par département, hein, c'est des quantités ahurissantes, hein, ça coûte entre 50 000 et 60 000 euros par tête. Par an. Vous vous rendez pas compte ? 50 000 à 60 000 euros pour un pseudo-clandestin mineur qui vient de Gambie ou de machin. C'est ahurissant. Il coûte plus cher qu'un tolard, le type. Il coûte plus cher dehors que dedans. Non, mais c'est de la folie furieuse. Rendez-vous compte, 50 000, 60 000 euros dans l'année, je veux dire. le mec, si c'est 60 000 euros, bon, bah, grosso modo, ouais, ça va te coûter, ça va te coûter 5 000 euros par mois, quoi. Ça va te coûter 5 000 euros par mois, ça fait 3-4 smicards, quoi. Pour payer un nègre à rien branler. Et ça, c'est les départements. C'est les départements. Et le pognon, il file. Alors au passage, je le souligne aussi, on lui donne pas, lui, 50 000 ou 60 000 euros. Évidemment, il a des avantages en nature, des avantages... Par exemple, tous les transports, c'est gratuit, il est complètement nourri, logé, blanchi, on lui file du cash aussi, de l'argent de poche, bien sûr. On les envoie en sortie. Ils font des sorties randonnées vélo, hein. Et c'est dans la presse régionale, ils sont très très fiers, hein. Donc vous voulez faire des sorties randonnées vélo, etc. Ils font des grands sourires, etc. Les journalistes de gauche te montrent ça. Et moi, je me dis, putain, mais merde, mais les gens qui lisent ça, c'est des contribuables. Ils se rendent pas compte de ce qui se passe avec leur fric. Et c'est là où je voulais en venir. C'est qu'il y a une partie du pognon qui va chez, avec ses nègres, ou ses marocains, ou machin, ça va dépendre de la nationalité, quoi. Mais t'as une grosse partie qui tombe dans les poches des associations de permanents qui s'occupent de ces mecs-là. Et qui ont des contrats préférentiels avec la préfecture. Mais le pognon qu'ils prennent, les mecs. Et il y avait un cas comme ça à Brest. Un conseiller municipal. Voilà comment ça se passait. Donc, le mec était un militant fanatique de l'immigration de masse. Par ailleurs, il était avocat. Bien. C'était un socialiste. Il est encore d'ailleurs à la mairie de Brest. Par contre, ce que les gens savent pas, c'est que le type, grâce au maire socialiste de Brest, il avait un contrat annuel sur l'enseignement du français via une association qui était, dont il était le président. Donc le type touchait plus de 100 000 euros tous les ans pour faire semblant d'apprendre le français à des bicots ou à des nègres clandestins. Et évidemment, il prenait son chèque là-dessus, en sachant que c'était même pas son occupation principale. Donc, si vous voulez, vous comprenez dans ces circonstances pourquoi ces mecs soutiennent l'immigration à gogo, quoi. Je veux dire, quand vous voyez des mecs dans les conseils municipaux, militer pour l'immigration à fond, dites-vous bien que ces mecs sont à tous les coups dans des associations qui touchent des subsides soit de l'État, soit de collectivités territoriales. Les mecs comme ça, ils font un max de blé. Tout ça légalement, d'ailleurs. Hein, tout ça légalement, mais ils sont entre eux. Et voilà. Donc après, évidemment, les crédits sont votés comme il faut qu'ils soient votés parce que tous les petits copains sont en train de se gaver là-dessus. Et typiquement, dans mon département d'origine, c'est ça qui se passe. Le département socialiste vote des crédits de prise en charge de migrants, ce qui consiste à donner du pognon à des associations dont vous découvrez que ce sont des militants socialistes qui sont en réalité à la tête de ces associations. Donc c'est comme si les mecs se filaient du pognon directement depuis les caisses publiques, quoi, voilà. Et les contribuables se font voler comme ça, avec même les... c'est même revendiqué, puisque je vous dis, c'est dans la presse. Évidemment, ils n'expliquent pas ça comme ça. Le journal ne dit pas « Ah, les gars, on est en train de vous piller. » Non, non, on leur dit « Ah, c'est génial. » Mais, je veux dire, les gens ne font même pas le lien. Tu vois ? Incroyable. Mais voilà. Donc, non, mais c'est de la folie. Associations qui sont spécialistes de tous les trucs de droit possibles et imaginables pour aider ces fameux clandos. Hein. C'est-à-dire que vous savez qu'il y a tout un tas d'aides qui sont destinées aux clandos, que les Français, ils verront jamais la couleur de ce pognon-là. Hein. Et faut juste connaître des textes de loi sur le bout des doigts. Et en fait, ces assos à la con, ils connaissent tout ça, mais mieux que n'importe quelle préfecture ou sous-préfecture du coin. Voilà. Et les types qui en bénéficient, hein, donc les clandos, eux aussi, à force, ils commencent à devenir experts. Ils pourraient être avocats, les types. Hein. Toutes les petites ficelles, CMU, APL, CAF, ils connaissent tous les acronymes. Ils sont experts dans la razzia, finalement, hein, ce qui historiquement se rejoint d'ailleurs. Bah, c'est tellement devenu. Ils sont spécialistes, évidemment, dans tous ces. Enfin, ils connaissent parfaitement le système social et comment solliciter les aides, etc., et les obtenir surtout. C'est pareil aussi pour tout ce qui concerne les titres de séjour, la régularisation ou empêcher des expulsions. C'est pour ça que la France n'expulse en réalité plus de migrants clandestins. D'accord ? À tel point que c'est pour ça que la situation en France est complètement hors de contrôle, c'est qu'il n'y a plus aucune volonté, et on ne voit pas de volonté se manifester, je veux dire, au niveau du gouvernement. Je ne parle pas de cette majorité-là, hein, je veux dire, au niveau de l'État français, il n'y a plus de velléité d'empêcher l'immigration de masse. En réalité, il y a une volonté inverse, une volonté d'imposer l'immigration de masse, et à tel point qu'en fait, on a démantelé tous les moyens d'expulser des clandestins. Donc, les clandestins d'Afrique le savent. Hein. Ils disent, tu vas en Afrique, tu vas en France, tu ne seras pas expulsé. C'est ce qui est la réalité, quoi. Il n'y a pas d'expulsion. Et notamment pour cette raison-là, parce que, il y a un droit pollué de marxisme qui rend impossible à dessein l'expulsion. Le grand patronat s'y retrouve, puisque évidemment il a un intérêt dans cette partie. Je ne parle même pas des politiciens dont je vais donner quelques exemples, là, qui sont aussi intéressés pour justifier en fait le pillage de l'argent des contribuables. Donc finalement, tous ces gens-là s'y retrouvent, je veux dire financièrement, quoi. Et évidemment, le migrant clandestin s'y retrouve aussi, quoi. Mais donc tu as le droit qui est complètement pollué, et puis tu as ces gens-là qui sont des spécialistes de ça. T'as même des associations qui ne font que ça, quoi. Généralement, c'est des boomers et surtout des boomeuses, quoi, qui font de la paperasse, de la paperasse, de la paperasse, de la paperasse, de la paperasse, pour des nègres essentiellement, quoi. Bon, à mon avis, c'est pas gratuit, hein, je veux dire, y a un accord mutuel, vous comprenez, hein, j'ai pas besoin de faire un dessin, quoi. Donc, mais c'est comme ça qu'on arrive à cette situation où il n'y a virtuellement plus d'expulsion en France. C'est rarissime, je veux dire, à chaque fois qu'il y a, et la presse le sait d'ailleurs, parfois, quand une préfecture, miraculeusement, veut finalement expulser un Africain, généralement avec un dossier pas possible, la presse se mobilise. C'est-à-dire les communistes de la presse, France 3, c'est les grands spécialistes. La presse régionale, c'est pareil, je veux dire, l'Est républicain, un truc, ils ont colonisé toutes les rédactions. Donc, hop, aussitôt, hop, coup de téléphone, hop, t'as les boumeuses de Réseau Éducation Sans Frontières, Utopia 56, hop, coup de téléphone portable, ouais, on a un problème, on en a un, ah ouais, pas de problème, je fais un papier de main, etc. Il fait effectivement un papier, etc. Bon, ils annoncent une manifestation devant la préfecture. Oh, le préfet qui a pas envie de s'emmerder, il dit ouais, allez, vas-y, régularisez-moi ce con là et qu'on n'en parle plus. Voilà. C'est comme ça que ça marche. Donc, dans ces circonstances, qu'est-ce que vous voulez faire? Il y a vraiment plus aucune velléité de contrôle, même de faire semblant de contrôler l'immigration. Il y a même plus, je veux dire, moi j'en arrive à un stade où je me demande si Charles Pasqua a même vraiment existé, vous voyez, qui était pourtant pas, c'était pas Adolf Hitler, hein, Charles Pasqua, hein, très loin, hein, mais comparativement à la situation actuelle, je veux dire, on en arrive là, on dit, mais bon, incroyable. Mais c'est voulu, hein, c'est voulu, quoi. Mais le fil conducteur, c'est au niveau financier, c'est toujours le même. Les politiciens en France, peu importe les partis, ont parfaitement compris qu'ils pouvaient cramer le fric des travailleurs français, des contribuables français, sans aucune conséquence. Ni conséquence pénale, ni conséquence politique. Donc les mecs, ils peuvent cramer à gogo, ils peuvent voler à gogo, il n'y a pas de conséquences. Prenez Cahuzac, cette espèce d'ordure, là. Lui, là, il était en train de traquer la fraude fiscale pendant qu'il allait planquer son pognon en Suisse. Il faut le faire, quand même. Il n'y a que la classe politique française qui peut pondre un truc pareil. C'est-à-dire que le mec, il était à Bercy, avec une petite pancarte sur son pupitre marquée « Lutter contre la fraude fiscale ». Pendant ce temps-là, le mec avait ses comptes en Suisse. Il s'est fait prendre la main dans le sac. Vous croyez qu'il a fait un jour en tôle ? Non, il vit dans une charmante villa en Corse. Tout à fait. Il est en train de pleurer dans la presse. Il a repris son activité de médecin, je crois. Oui, bah tiens. Oui, en chirurgie esthétique, hein, un des trucs qui rapporte le plus. Hein, c'était, comme on disait, Cahuzac tout au black. C'était lui. Non, mais voilà. Et ça, des messages comme ça, je veux dire, croyez-moi bien que c'est entendu haut et clair dans toute la classe politique française, quoi. Voilà. Et encore, lui, c'était de la corruption. Mais il y a des tas de façons, en fait, de faire du fric sans même violer la loi, comme l'exemple que j'ai donné. C'est-à-dire que vous êtes président de conseil général socialiste, vous subventionnez des associations qui sont tenues par des cadres socialistes. Donc vous ne violez pas la loi. Mais en réalité, c'est un système de corruption déguisé, qui est légal, en fait, qui est toléré. Voilà, vous financez les copains, quoi. Et ça, et mille autres trucs, quoi. Mais les Français ne réagissent pas. Ils l'ont vu, ça. Sur ces 30, 40 dernières années, ils ont bien vu. Voilà, il y a des scandales de temps en temps. Bon, voilà, ça fait un peu de... Mais il se passe rien. Il se passe rien. Il se passe rien. Donc les types, plus ça va, plus ils truandent, quoi. Voilà. Et le pillage, maintenant, il est intégral. Regardez le truc. Donc les gens sont là, ils disent, mais je comprends pas. On dépense énormément d'argent, je suis très lourdement taxé, ok. On m'impose des règles, des interdictions, surtout aujourd'hui avec le Covid, mais je veux dire... quand tu es chef d'entreprise, c'est pas possible, quoi, je veux dire. Bon, tu dis, ah bah ouais, mais... tu penses que les dirigeants politiques, ils ont les mêmes règles, les mêmes contraintes. Non, mais pas du tout. Pas du tout, ils font ce qu'ils veulent. Ils connaissent les juges, les procureurs, ils bouffent ensemble. Parfois, voilà. Oui, il y a plein d'histoires comme ça. Là, le Conseil constitutionnel, là, avec Fabius à sa tête, Juppé et compagnie, Jospin, ils se sont augmentés, là, j'ai vu, unilatéralement. Ouais. Hein, ils ont augmenté leur salaire, leurs émoluments, sachant que Fabius lui-même avait été mêlé dans plein d'histoires, comme le sang contaminé et tout ça. Et son fils, Victor Fabius, travaille avec le laboratoire McKinsey pour la mise en place de la vaccination en France. Et on fait confiance à la même famille de truands pour diriger notre, entre guillemets, démocratie et notre santé. Donc les vaches sont bien gardées, là. Oui, et puis... Le fils Fabius qui aime bien les casinos, aime beaucoup les casinos. Ouais, les casinos c'est son frère, mais, c'est, ah, bah oui, mais oui, Thomas Fabius est surendetté, il avait fait des casinos, etc. Et il avait beaucoup perdu, il avait fait fabriquer des faux documents pour avoir des prêts et tout ça. Et son frère, la Victor, qui s'occupe de la planification vaccinale. Excuse-moi, bah ouais. Je les ai confondus, mais tu sais, les raptous, ils se ressemblent beaucoup. Hein. Mais comment dire, faut pas oublier de mentionner aussi chez Fabius son rôle criminel dans la guerre en Syrie. Hein. Faut pas oublier. Al-Nosra fait du bon boulot sur le terrain. Voilà, c'est ça. La mise radicaux qui égorge des gens. Hein. Voilà, c'est ça. Donc on va défendre la République, la laïcité, le danger de l'islamisme, etc., machin. Bon, quand tu regardes qui c'est qui est à la tête des grandes juridictions françaises, comme Fabius au Conseil constitutionnel. Bon, c'est des types qui armaient carrément Al-Qaïda en Syrie, quoi. Bon, voilà. Et il l'a pas fait gratuitement, hein. Toi, c'est pas par conviction, parce qu'il s'est dit, tiens, Al-Qaïda, en fait, ils sont du bon côté. Non, c'est pas ça. C'est que le type, il avait touché je sais pas combien de valises de la part des Américains et d'aller savoir qui, du Qatar, évidemment, enfin, de tous ces gens-là qui étaient intéressés dans cette révolution de couleurs. Mais, nous en revenons à ce que je disais. En fait, ce type a soutenu les chiens. Ceux qui sont tous les déviationnismes de l'islam. En fait, le seul islam qui vaut véritablement quelque chose, c'est le chiisme. Est-ce que vous avez déjà vu un Iranien venir emmerder les Français ? Non ! Il n'y a que des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, bref, tous les bougnoules. Mais les vrais, les purs, non, jamais, il n'y a aucun souci. Le dis, mes frères, je vous le dis, le petit livre vert de l'ayatollah Khomeini. Il y a quelques migrants iraniens qui arrivent, et généralement, ce n'est pas les meilleurs, c'est souvent des militants homosexuels, des trucs comme ça. Non, mais bon, bref, je rigole, mais je rigole qu'à moitié. Quoi. Non, on a quand même quelques Iraniens qui arrivent, mais oui, c'est vrai, c'est pas le gros de l'immigration. Tu les entends jamais. Tu les entends jamais. Enfin bon, voilà. La petite séquence pognon. Voilà. Mais ça s'arrêtera pas, je veux dire. Ça s'arrêtera pas parce que d'abord, je veux dire, regarde les Français. Je veux dire, ils se font dévaliser depuis je sais pas combien de temps. Et vous les voyez gueuler là ? Vous les voyez dire, il y en a marre de payer des impôts, il faut baisser radicalement, massivement les impôts, il y en a assez de bureaucratie, assez de politiciens, assez de règlements, assez. Non, non, moi je les entends pas gueuler comme ça. Donc, on sait pas de quoi demain sera fait, mais enfin, je veux dire, voilà quoi. Puis les autres, ils s'arrêtent pas. Tout va bien, nous sommes la quatrième puissance mondiale qui peut allègrement emprunter sur les marchés l'avenir. On n'a aucun souci pour nous. Pour prendre un peu la défense des Français, le problème c'est que tout ça est un peu éparpillé. Faudrait quand même des... Je ne sais pas s'il y a des gens qui peuvent compiler tout ça et mettre vraiment, vous savez, le produit final devant les yeux des Français. Alors voilà, cette année, voilà pour ce que tu vas payer, Coco, en, en termes de milliards, pour faire un électrochoc, quoi. Parce qu'il y a des brèves de presse un peu à droite à gauche, c'est bien fait hein, pour... Mais les gens ne lisent pas... Non, mais tu as un excellent organisme qui le fait une fois par an, oui. Ça s'appelle la Cour des comptes. Et je te conseille de te pencher sur la publication annuelle de la Cour des comptes, c'est à pisser de rire. C'est vrai ce qu'il dit, c'est vrai. La Cour des comptes, tous les ans, ils disent, les gars, mais en plus, ils sont assez honnêtes, ils font d'ailleurs un travail assez... Mais ils ont aucun... Enfin, la Cour des comptes n'a aucune autorité sur les comptes. Elle peut simplement faire un audit, quoi. Donc, tous les ans... Ils n'ont pas de moyens de police. Voilà, c'est ça. Alors, tous les ans, ils disent, les gars, on va dans le mur, les mecs. C'est juste pour vous dire que cette année, on se rapproche un peu plus du mur que l'année précédente. Alors, avec des chiffres et tout. Puis les mecs, ils se cassent le cul. Hein, ils font... Et les politiciens, donc ça fait trois lignes dans la presse quand le rapport y tombe. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Alors, dans le Figaro, ils sont un tout petit peu plus sévères que dans Le Monde. Mais grosso modo, la musique, c'est « Ah ouais, on est encore en déficit, ouais ». Bon, voilà. Ouais, on sait, ouais. Voilà, ça fait un entrefilet, ils disent, ah oui, oh là là, le rapport de la Cour des comptes, voilà. Puis on passe à autre chose, on continue, ils en ont rien à branler, ils en ont rien à foutre. Ce qui prévaut en France, mais en fait, c'est un sentiment général. Sur toutes les questions, je veux dire. C'est un m'en-foutisme intégral. Je crois qu'aujourd'hui, la France est vraiment affectée par ça. Plus que jamais auparavant, c'est un m'en-foutisme intégral. Et c'est généralisé. C'est pour ça que je dis, ce n'est pas exclusivement les politiciens, comme tu disais très bien, Alexis, les politiciens sont quand même globalement à l'image de la société, ils sont élus, hein. Ils sont élus, il y a des gens qui les mettent là. Même si le système, on peut un peu le trafiquer avec les médias et tout, bien sûr, mais grosso modo, quand même, leur élection exprime quelque chose, je veux dire, et il y a un m'en-foutisme intégral. Alors, le djihadisme, bon, les gens, grosso modo, ont compris que l'islam, c'est une religion inassimilable. Bon, voilà. Mais ils s'en foutent. C'est clair que il y a aucune espèce de... Voilà, les gens ont compris, si vous voulez, mais voilà, ils sonnent pas le tocsin, quoi, si vous voulez. Ils disent, ah oui, effectivement, ça va pas marcher, quoi. Puis ils continuent, quoi. La question de l'utilisation des impôts et des taxes et leur augmentation et la dette française qui est hors de contrôle, les gens le savent, grosso modo. Les gens savent que la France est criblée de dettes. Ils savent très bien que les politiciens ont criblé de dettes la France, d'accord? Mais les gens s'en foutent. Les gens s'en foutent, sincèrement, ils s'en foutent, quoi. Et dans un contexte comme ça, sur des sujets aussi graves, je veux dire, pareil pour l'immigration, hein. Ils voient bien qu'il y a de l'immigration, que ça arrive, ça débarque de partout, etc. Mais les gens s'en foutent. Le problème, c'est qu'à force de s'en foutre de tout, en disant « Oh, bon, voilà, qu'est-ce qu'on y peut ?» Ça, c'est la grande phrase, quoi, tu vois. « Qu'est-ce qu'on y peut ?» Ou alors « C'est comme ça. » « Oh, bah c'est comme ça, qu'est-ce que vous voulez ?» Tu vois, bon. Oui, mais ça, ces gens-là partent du principe que ça n'aura jamais de conséquences pour eux. Moi, je pense qu'on approche du moment où les conséquences vont être très réelles, à mon avis. Hein. Parce que si vous intéressez... Alors, je sais que c'est compliqué, parce que les gens ne sont pas censés être des économistes. Moi-même, je ne le suis pas, je veux dire. Mais quand vous intéressez un petit peu, quand même, à la structure financière de l'Union européenne, de la zone euro, plus particulièrement de la BCE, l'état des dettes dans un certain nombre de pays... Je suis désolé, mais on est sur une bombe nucléaire financière, quoi, en Europe. Il n'y a pas d'autre mot pour le qualifier, quoi. Et quand tu vois l'attitude des pouvoirs publics français, des majorités successives, et des Français, qui sont pourtant les premiers pillés dans l'affaire, bah, tu vois qu'il n'y a pas de prise de conscience. Ça me rappelle un peu la Grèce, si vous voulez, avant 2008-2009. Où en fait, n'importe qui était un observateur objectif pouvait se dire « ce pays-là, il va faire faillite ». Il suffisait de regarder les comptes, il suffisait de regarder les dépenses, il suffisait de regarder voilà, le niveau de vie du pays par rapport aux recettes générées. Tu disais « non, ce pays-là, ils vont connaître une grave dépression économique. C'est pas possible autrement ». Bah, ils ont eu pareil, le socialisme, pendant 25 ans là-bas, plus de 25 ans. Des politiciens pareils. Hein, on s'endette, on arrose les gens de pognon, on fait du clientélisme, voilà, on n'a aucune exigence, etc. Bon, voilà. ils ont même organisé les Jeux Olympiques. Les mecs n'avaient pas le premier sou, ils ont quand même organisé les Jeux Olympiques. Et puis est arrivé ce qui est arrivé. Mais c'était prévisible, c'était pas du tout une surprise, quoi. Et là, ils sont là, ils sont maintenus artificiellement à flot, mais simplement parce que, en fait, grosso modo, l'Allemagne et la France, mais même pas avec son propre pognon, parce que c'est du pognon emprunté, maintient artificiellement la Grèce. Mais c'est un pays qui financièrement est dans une situation très très difficile. Et la France, c'est un peu plus gros que la Grèce. Hein. Donc, pour moi, à cause du manfoutisme, il n'y aura pas de... À mon avis, je peux me tromper, mais il n'y aura pas de réaction. Je crois même, de toute façon, s'il y aurait une réaction, c'est trop tard, en fait. Parce que... je veux dire, l'endettement est trop avancé, quoi, je veux dire. Puis en France aussi, il y a aussi un autre problème, c'est que c'est l'égoïsme prévaut. En France, on a le socialisme préventif, si vous voulez. C'est pas du tout un socialisme de générosité, de solidarité nationale, comme a pu l'être le national-socialisme d'ailleurs, où tu te poses d'abord la question qu'est-ce que je peux faire pour mon compatriote, avant de te dire qu'est-ce que mon compatriote peut faire pour moi. En France, c'est tout l'inverse. Le socialisme en France, ça n'a jamais été un socialisme sincère. Ça a toujours consisté à dire il faut absolument que j'empêche mon voisin d'être plus riche que moi. C'est ça la base du socialisme français est fondée sur la jalousie, ni plus ni moins, quoi. Donc le problème, c'est le suivant, c'est que quand tu veux chercher à réformer en France, les mecs brandissent leur argument socialiste, mais en fait c'est toujours par égoïsme, c'est toujours pour dire non, pas chez moi. Vous prenez ce que vous voulez à côté, là, vous allez voir Toto, là, vous lui demandez ce que vous voulez, mais ici, pas ici. Voilà. Et comme les politiciens français ne sont pas décourageux, ils n'ont jamais osé aller jusqu'au bout de réformes réelles et drastiques, quoi. Parce que tout de suite, t'as tous les maquis d'intérêts particuliers qui se manifestent. Non, pas ici, pas comme ça, pas maintenant, surtout pas. Voilà. Enfin, bon. Ouais, puis avoir des dettes, il y a beaucoup de pays qui ont des dettes, hein, bien sûr. La Chine a des dettes, etc. Mais en fait, ces dettes sont la contrepartie d'investissements qu'ils font. Et en France, c'est pour payer le train de vie, grosso modo. Parce que un des véritables indicateurs de la bonne santé économique d'un pays, c'est les brevets qui sont déposés, les inventions qui sont faites. En 1900, par exemple, la France avait le plus de brevets par année parmi les pays européens. Et, il y a une dizaine d'années, on était parmi les... C'était l'Europe des 15 encore, il y a 10-15 ans. On était 12e sur 15. J'ai vu ça à ce moment-là. Je crois pas qu'on ait augmenté depuis. Donc en fait, les gens qui créent réellement des choses, eux, ils s'en vont. Ou alors, s'ils restent en France, ils se font matraquer. Et la dette, elle monte, mais pas pour payer des choses, je sais pas moi, des nouvelles lignes de chemin de fer, comme font les Chinois, ou des nouvelles centrales nucléaires, non, c'est pour payer des gens qui arrivent, voilà, on leur paye l'hôtel et tout, mais les gens qui sont payés à les migrants gambiens à 60 000 euros l'année, est-ce qu'une fois qu'ils sont formés à leur métier, est-ce qu'ils vont rester? Parce que même, non, ils vont peut-être repartir en Gambie, ou aller je sais pas où. Tant mieux. Bah, à la rigueur, on peut s'en réjouir, mais on est uniquement dans une optique d'investissement économique, normalement, on pourrait plutôt s'en plaindre. Non, mais c'est bon. Je vois pas de prise de conscience, c'est ce que je veux dire. Je vois pas de prise de conscience. Ou ce qui m'amène à dire qu'on va connaître un scénario à la grecque, c'est-à-dire que voilà, c'est-à-dire que les Français vont se retrouver au pied du mur, quoi. C'est tout simplement. Voilà, on va leur annoncer la mauvaise nouvelle, quoi. Voilà, alors non, mais là, on a un gros problème, quoi. Et c'est tout l'objectif du Great Reset, hein, la grande réinitialisation qu'ils ont théorisé, c'était justement d'essayer d'organiser l'atterrissage en douceur qui est l'atterrissage en douceur pour éviter une chute, un clash brutal en cas de dépression économique, enfin avec l'inévitable dépression économique qui est déjà là, mais qui va faire que s'intensifier à mesure qu'il va devenir évident que les États occidentaux sont ruinés, quoi. Pas tous les États occidentaux, mais en tout cas, un État comme la France, un État comme l'Espagne, un État comme l'Italie sont des États en très grande difficulté financière. Donc, L'idée, c'était ça, hein. L'idée, c'était, voilà, on va organiser l'austérité. Et il faut un super argument, l'argument sanitaire, puis ensuite, on va embrayer avec le réchauffement climatique. Vous avez qu'à remarquer, ils mettent toujours ça côte à côte. Dans les médias, c'est très clair. Hein. Sur BFM TV, c'est très clair. Voilà. On parle Covid, on parle réchauffement climatique. Covid, réchauffement climatique, Covid, réchauffement climatique. On prépare les masses en leur disant, les gars, vous savez, dans 5 ans, vous aurez moins que maintenant. Hein. Mais c'est pour sauver le... c'est pour faire baisser la température, rassurez-vous. Hein. Non, bien sûr que non. Mais les gens, à force de les matraquer, ils gobent. Hein, ils gobent. Donc voilà, donc c'est l'austérité organisée de manière autoritaire avec un prétexte climato-sanitaire. Mais le fond de l'histoire, c'est le fait que les États sont ruinés. Enfin, surtout qu'un État comme la France est ruiné, ou l'Italie, ou voilà. Il n'y a plus de pognon, il n'y a plus de fric. On a des taux zéro, en 61% de dépenses. 61% du PIB en dépenses publiques en France. Si vous vous rendez compte. Et pourtant, l'Italie s'en sortira plus facilement que la France. Oui, oui, oui. Déjà, ils ont une classe politique italienne. C'est-à-dire que c'est une classe politique qui est encore nationale. Alors que la France, vous avez qu'à remarquer, il y a énormément de métèques dans la classe politique. Ce ne sont que des pièces rapportées, quoi. C'est du maghrébin. Et puis maintenant, c'est vraiment visible, quoi. Maghrébin, africain, des machins. Vous ne pouvez même pas définir la race. Ça, ils en ont rien à branler, ceux-là, du pays. Ils s'en foutent. Ils sont là pour prendre dans les caisses. Ils sont là pour occuper des fonctions, piller, etc. Ils en ont rien à foutre de l'avenir du Gaulois dans sa Normandie natale. Qu'est-ce qu'ils en ont à branler? Rien à foutre. Le jour où ça tourne mal, les mecs. Ils font leur valise, ils vont ailleurs. Hein. C'est des vagabonds, ça. Hein. Faut pas se leurrer. Prenez des gens comme Najat Vallaud-Belkacem, par exemple. Je la cite, celle-là, parce que voilà. Ça, c'est des gens, c'est des produits 100% français. Ça a été sélectionné au Maroc, ça arrive, ça doit tout à la France. À la moindre occasion, ça te crache à la gueule. Voilà. Ça ne t'empêche pas de se faire élire, de prendre du blé à la moindre occasion, ministre, élu local, et vas-y que je te, etc. Bon, mais ces gens-là, en cas de crise, c'est pas eux qui vont vous sortir de la merde. Bah, d'ailleurs, la preuve, elle est retournée au Maroc. Et pendant un petit moment d'ailleurs, hein. Et là apparemment elle va revenir pour les régionales. Bien sûr. Je crois que c'est à Lyon, je suis pas sûr. Ouais, c'est ça, mais si, mais bien sûr, parce qu'ils savent où se faire beurrer leur tartine. Voilà, mais ils en ont rien à foutre. Pour eux, la France c'est un supermarché. T'arrives, tu rentres. De toute façon, ouais, les Français c'est des cons. Les Français c'est des cons. Déjà, c'est se faire beurrer, ouais. Non, mais les Français c'est des cons. Les mecs, ils accueillent la planète entière, par millions et par millions, par millions. Les autres ils sont pas idiots, ils ont compris comment ça marchait le système. Donc les mecs, ils arrivent, ils s'installent, ils te bousculent, tu vois, ils te crachent sur les pompes et ensuite ils disent voilà, ça coûte tant, tu vois, et tu payes. Voilà, c'est tout. Voilà. Mais en cas de problème, quand il faut se retrousser les manches, il va falloir suer un bon coup, voire même saigner, tu vois, pour éviter la catastrophe totale. Tous ces mecs-là, tu crois que les mecs vont se faire chier pour un pays dont ils n'ont rien à foutre? Mais bien sûr que non, ils vont tous se tirer. Tous les immigrés vont pas se tirer, c'est pas ce que je dis, mais je parle là de tous ces mecs-là qui squattent les positions dans les administrations, dans les partis politiques. Ils sont juste là pour s'en foutre plein les fouilles et briller sous les projecteurs, tu vois. Voilà. Mais c'est pas avec ça que tu diriges un pays. Mais c'est simplement parce que une fois de plus, la République française n'a pas appris du passé. Si la République française apprenait du passé, elle pourrait construire l'avenir. Ici, elle ne le fait pas. Donc, on a laissé rentrer en France des chiens, des gens qui ne respectent absolument rien. Et qu'est-ce qu'on a pour éventuellement s'opposer à eux? La garde républicaine, point barre. Maintenant, va à Téhéran. Si tu avais le quart du millième du bordel que tu as en Iran, tu aurais les gardiens de la révolution qui résoudraient le problème immédiatement. Donc, je le dis, revenons vers l'élite du guide suprême, mes frères. Le seul islam, le vrai, le beau. Non, mais voilà. Donc, et je pense que les Français, ça va être un moment de révélation pour eux, parce qu'ils sont... parce que les Français sont naïfs, hein, je veux dire... Ils sont d'une naïveté confondante. Hein. Je parle des Français de souche. Hein. Je fais fi des appartenances déclarées, hein, au plan politique. Hein. Je veux dire, ils sont d'une naïveté confondante. Je veux dire, ils prêtent. Si ces Français savaient ce que pensent tous ces métèques d'eux, je peux vous dire, ça leur ferait bizarre. S'ils savaient comment ils parlent d'eux entre eux dans leurs appartements, que les Français sont assez cons pour leur payer, ils tomberaient de leur chaise. Hein, j'aime autant vous le dire. Hein. Alors, quand ça va vraiment chier, et que là, on va devoir chercher des dirigeants, c'est-à-dire, tu vois, des mecs, ils vont prendre que des coups, tu vois. C'est-à-dire, ils vont monter au front, tu vois. Mais pas pour la gloriole, ils vont monter au front pour prendre des coups, c'est-à-dire pour sortir le pays de la merde. Enfin, essayer. Et j'aime autant vous dire que c'est très largement compromis. Hein. Bon, mais voilà. Les mecs, on est là, putain, mais qui c'est qui peut nous sortir de là? Voilà, je peux vous dire qu'ils vont sentir, ils vont se sentir bien, bien seuls. Hein. Ils vont se sentir bien seuls, parce que ça va pas se bousculer. Hein. Mettre des mecs au Palais de l'Elysée à baffrer, à faire les malins avec des ambassadeurs, etc. Ouais, là, t'as des gens. Et des mecs pour bosser, prendre des risques, même mettre leur tête au bout de leur décision pour sauver ce qui peut l'être, des gens comme ça, t'en trouveras pas. Hein. C'est pas vrai. Hein. T'en trouveras pas facilement, en tout cas. Pas facilement. Et c'est certainement pas ceux des partis politiques actuels. Ils viennent pas là pour servir le pays ou leurs compatriotes. Ils viennent là pour s'en foutre plein les fouilles. Et les gens ne le comprennent pas. Et pas assez, en tout cas. Non, c'est pour ça... Je vois pas pourquoi les mecs se gavent en parlant de démocratie. C'est pas une démocratie qu'il faut en France. C'est un mec avec une poigne de fer qui fout de l'ordre. C'est ça qu'il faut en France. C'est pas, je sais pas quoi, une démocratie avec des mecs, on va faire faire des blabla, des palabres, là, comme des nègres au pied d'un baobab. Etc. Ça fait 50 ans que ça se fait en France, ça. Bon, bah, le résultat est probant. Hein. Voilà, non. Bon, mais je vous le dis, je veux dire, on a tellement... là, on est dans une situation quand même dramatique, donc... parce qu'il y a la dimension raciale qui change quand même beaucoup de choses. Donc voilà, quoi. Enfin, bon. Je dis ça parce que... c'est marrant, parce que j'écoutais l'autre jour une... non, aujourd'hui. Un entretien... vous savez, Charles Gave... Vous connaissez Charles Gave? Ouais, il a une chaîne YouTube, là, l'Institut des Libertés. Bon, il essaye un petit peu d'interroger des gens un peu de tous les horizons, ça, c'est bien. Et j'écoutais il avait fait venir Robert Ménard. Bon, qui n'est pas exactement... c'est pas notre crémerie, tout à fait, quand même. Mais Robert Ménard, j'ai écouté son discours en vue de 2022, oui. Et je veux dire, Robert, c'est effrayant, quoi. C'est parce que le mec disait qu'il avait un discours de notable établi, c'était à pleurer, quoi. Le mec disait, ah non, il faut rassembler les gens, il ne faut pas cliver, il faut rassembler... Attends, je veux dire, le mec n'a pas compris que son pays, dans 30 ans, il est ultra, totalement bougnoulisé. Je veux dire, ce sera les musulmans qui commanderont en France, d'accord? Les musulmans avec leurs supplétifs africains, quoi. Le mec est là, il veut te faire de la politique façon 4ème République, tu vois, entre notables, on va être courtois les uns vis-à-vis des autres, on va pas trop froisser, etc. Le mec, il a peur, c'est la guerre civile, il dit, oh là là, faut surtout pas foutre les bouilloules dehors, parce qu'on sait jamais, comme si t'avais le choix, ça. La guerre civile, ou la guerre ethnique, etc., c'est pas quelque chose que tu choisis comme ça après une élection. C'est un truc qui te tombe dessus, t'as jamais prévu. Il n'y a aucune guerre qui a été prévue par quiconque. Ça arrive quand ça arrive. Et j'étais effondré d'entendre un discours lénifiant de ce style. Et puis il y avait un vis-à-vis qui disait « Ah oui, Béziers est métamorphosé. Ah bon, comment, pourquoi, il a vidé les bougnoules de la ville ?» Ah non, il y en a plus qu'avant. Tu peux pas métamorphoser une ville qui est déjà quasiment pour moitié, si ce n'est plus, qu'on peut bougnouliser. Je veux dire, voilà. Non. Alors, peut-être qu'il y a plus d'espace vert, peut-être que les rues sont un peu plus propres. Ouais, tant mieux. Si on veut. Mais rappelez-vous, Ménard, il y a un an et demi, je veux dire, ça cramait dans sa ville. Je veux dire, ils avaient cramé une école, je sais pas quoi, les bougnoules. Enfin, je veux dire, c'est une ville comme une autre, quoi. Donc, non, c'est pas avec ce genre de discours que. Non. Il nous faut. Il faut des mesures exceptionnelles parce qu'on est dans un cas exceptionnel, tout simplement. Il faut un nouveau Bonaparte, je veux dire, voilà. Ah oui. Non, mais voilà, il faut un nouveau Bonaparte, c'est pas... Le fait est là, hein, c'est tout. Hein. Bon, c'est mon sentiment, ouais. Mais voilà. Bah, entre ce qu'il faudrait et ce qu'il y aura, je vous le dis, c'est autre chose. Je suis pas en train de vous dire, vous en faites pas, on va trouver un Bonaparte là sous la... comme on arrache dans le cul d'un âne, et puis ça va être réglé en 2 ans, c'est pas du tout ce que je pense. Mais voilà, bon. Vas-y Alexis, autant pour moi. Non, simplement je disais, oui, s'il y avait quelqu'un qui avait vraiment, lui et son équipe, les couilles pour prendre des mesures radicales, couper toutes les aides sociales, inverser les flux migratoires, aussi dire non à un certain nombre de lobbies plutocratiques, comme des labos, etc., ces gens peuvent finir très très mal. Hein. Là, c'est mettre la vie en danger parce que Par exemple, bon, ça va peut-être vous surprendre, mais le président de Tanzanie, là, donc il avait ridiculisé les tests Covid, puisqu'il avait dit qu'il l'avait mis dans une papaye et que c'était positif, dans une chèvre et que c'était positif, donc il avait tourné en ridicule tout ça, il avait refusé de confiner son pays. Apparemment, il avait pris des mesures anti-LGBT et compagnie. Et là, Magufuli, il s'appelle, est retrouvé mort, décédé, donc il est remplacé par une voilée, enfin une femme voilée tanzanienne, mais qui est affiliée directement à Davos, ou à je sais plus quoi. Donc Ouais, là. j'ai vu ça, ouais. Ah oui, non, mais là, là, il pratique l'assassinat, hein, c'est-à-dire que ça, c'est un des rares chefs d'État africains qui a dit le Covid, c'est une arnaque. Et bon, quelques semaines plus tard, il meurt dans un hôpital d'une crise cardiaque, dit-on, on remplace vite fait par un membre du Cénacle globaliste, quoi. Bon, tout à fait, c'est-à-dire que c'est pour ça que je disais qu'il fallait aussi mettre ça. Enfin, il fallait, vous me comprenez, je veux dire. Dans un tel mouvement, les types doivent mettre leur tête au bout. Hein. C'est pas juste d'aller au coin d'une rue gueuler. Je veux dire, voilà, si vous êtes à la tête d'un mouvement de reconquête de votre pays, c'est clair qu'il faut, faut être prêt à aller jusqu'au bout, y compris à se faire assassiner. Parce que c'est un risque très réel. Hein. Ça, c'est tout à fait évident. Hein. C'est arrivé aussi au président du Burundi l'été dernier qui avait dit je fous l'OMS dehors, je gère ma crise moi-même. Et à 55 ans, j'ai oublié son nom là, enfin bon, peu importe, mais il est décédé très peu de temps après. Donc, bon. Et là, pour Magufuli, je vois le président tanzanien, je vois que Bruno Gollnisch a tweeté là-dessus. Bon, Emmanuel Macron, lui, bon, il y a le décès d'un président. Bon, bah, ça va pas le. Ça lui en touche une sans faire bouger l'autre. C'est pas ça, lui, ce qui compte, c'est servir ses maîtres. Voilà, c'est mondialiste. D'ailleurs, en parlant d'hommes politiques assassinés, cette semaine, je sais plus quand c'est exactement, on a fêté hein, l'assassinat de François Duprat. C'était Oui. il y a environ 25 ans. Donc quelqu'un qui a mis quand même bah, sa vie au bout de ses Ah non, idées, quoi, non, cet oula, homme. non, Duprat, c'était dans les années 70. Hein. Pardon, c'était ouais, 45 ans, excusez-moi. Environ. Oui, tu voulais dire qu'on commémorait sa L'attentat disparition. de sa Ouais. voiture, ouais. Alors, messieurs, continuons sur notre lancée quand même. Alors ça c'est vite fait en anecdote, rubrique numéro 3, vivre ensemble, mais je voulais quand même le souligner parce que là on parle un peu de dépenses publiques, hein, du pognon que les Français acceptent de se faire voler par les politiciens, mais ça concerne aussi la sécurité. Hein. Alors, je lis cette brève de Nice Matin. Donc ce samedi 20 mars, la police municipale de Nice a interpellé un homme dans la basilique Notre-Dame, donc là où il y a eu l'attentat. L'individu avait interrompu l'office de 11 h, donc la messe. Faisant référence à l'attentat du 29 octobre dernier, qui avait fait 3 morts en cette même basilique, l'homme aurait lancé « J'y soutiens mes cousins musulmans !» Donc, en français, « Je soutiens mes cousins musulmans ». Immédiatement, le sacristain a donné l'alerte au standard de la police municipale. Le jeune homme, 25 ans environ, a été interpellé et placé en garde à vue pour apologie du terrorisme. Selon les premiers éléments, il n'était pas armé. La messe a été interrompue quelques minutes, non sans causer quelques émois. Le souvenir de la tragédie est encore très vif dans tous les esprits. Sans que l'on sache si cela a un rapport, un homme du même âge avait été verbalisé par 3 fois dans la semaine pour non-port du masque dans l'église. Des vérifications sont en cours. La basilique est équipée d'un bouton d'urgence relié au service du centre de supervision urbain. Alors, vous allez me dire, enfin, pourquoi j'ai voulu parler de ça? Ben, écoutez, c'est très simple. Ce mec-là avait un couteau, il faisait un carton de la même façon qu'en octobre. Il n'y a aucune espèce de protection autour de cette basilique. Rien. Ils peuvent pas, Gandalf. Je suis désolé, Nice. Alors pourtant, Estrosi, hein, je peux pas le saquer. Hein, et puis les caméras partout, je suis pas fan. Hein. Mais il a mis un petit coup de vis sécuritaire. Les flics sont armés, ils ont des armes de catégorie B, les flics municipaux. Mais il y a juste trop de bougnoules. C'est Ah oui, non trop de mais. bougnoules. Tu peux pas mettre de flics à chaque bougnoule. De toute manière, les flics sont réservés pour les synagogues. Déjà, Oui. non mais déjà, c'est vrai, ça c'est vrai. Hein, les militaires sont déployés quasi exclusivement devant les synagogues. Toutes les synagogues sont protégées. Les Français savent pas ça. Regardez bien ce cas précis. Hein. Toutes les synagogues en France sont protégées par l'armée. Là, vous avez une basilique à Nice qui a été frappée par un attentat islamiste. 3 morts, comme vous le savez et comme ça a été rappelé dans l'article. Donc, on peut se dire, c'est un site à risque. On pourrait dire par mesure conservatrice, l'État français va déployer quelques militaires devant, deux, trois armés de fusils d'assaut, au cas où, ne serait-ce que pour un petit peu impressionner d'éventuels assaillants. Rien. Je parle pas d'église en général, je parle d'une église qui a été ciblée. On pourrait dire une protection un peu particulière. Rien, que dalle, rien. Dans le même temps, toutes les synagogues, elles ont une protection de première catégorie, hein, offerte par l'État français, c'est-à-dire offerte par les contribuables français, avec leur pognon. Voilà, encore la même chose. Alors tu me dis, on peut pas mettre un... Il y a trop de bougnoules, t'as raison, ça je te l'accorde. On peut pas mettre un flic derrière chaque bougnoule, je te l'accorde aussi. Mais quand même, ça montre, si tu veux, que, grosso modo, derrière les grands discours sur la lutte contre le... C'est parce que entre l'attentat de la basilique de Nice et l'assassinat de Samuel Paty, on a eu une séquence qui a déclenché des grandes prises de parole de la part du président de la République, Emmanuel Macron, et de son ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, en nous disant, voilà, on va prendre le taureau par les cornes, on prend bien la mesure de la situation. D'où d'ailleurs cette loi contre le séparatisme, hein, je veux dire, ça a quand même été justifié par ça. Bon, ben, en pratique, c'est pour ça, les grandes lois, les trucs, les machins, c'est de l'esbrouf, ça. En pratique, sur le terrain, tu peux refaire demain un attentat dans la basilique de Nice avec autant de facilité qu'en octobre. Enfin, si tu es un islamiste, j'entends. Aussi facilement. Voilà. Tu n'auras pas plus de protection qu'il y avait en octobre dernier. Voilà. Donc c'est simplement parce que les bougnoules ne sont pas particulièrement excités qu'il ne se passe rien. Voilà. Ils ne sont pas trop excités, donc voilà. Mais qu'est-ce qui nous dit que ce ne sera pas le cas dans un mois? Parce que là, c'est le ramadan, vous savez, je vous l'ai dit, le ramadan, c'est typiquement le mois des attaques. Je ne sais pas si vous savez ça. Je l'ai expliqué, ça, dans l'émission, au fil des saisons. Hein. Durant le ramadan, le combattant de l'islam qui meurt pour Allah accède plus facilement au paradis. D'accord? Tout particulièrement les vendredis saints, donc les vendredis de prière, d'accord ? Donc, pendant le ramadan, mener une opération militaire martyr un vendredi, vous avez plus de chances d'aller au paradis. Et alors, c'est le top du top du top, c'est le dernier vendredi du ramadan. Alors là, si vous faites une opération suicide ce jour-là, là, c'est directement les 72 vierges, voilà, quoi. Et ça, faut le savoir. Et les Français, ils le savent pas, mais maintenant, ils doivent le savoir, puisque, enfin, ils ont, quand je dis doivent, c'est ils ont l'obligation de le savoir, parce qu'ils vivent dans un pays musulman maintenant. Donc, par votre conseil. Dans un mauvais pays musulman. Un pays de chiens, oui, un pays de chiens. Parce qu'en principe, ce dont tu me parles est formellement interdit. Je lis le texte, hein. Vas-y. Il n'est pas permis à un État musulman d'avoir des relations commerciales et diplomatiques avec des pays qui tiennent le rôle de pantin des grandes puissances. C'est le cas d'Israël. Et il est du devoir de tous les musulmans de s'y opposer par tous les moyens. Tout commerçant ayant des relations commerciales avec Israël, ses représentants, ses agents, est un traître à l'islam et aux musulmans, parce que contribuant à la destruction de l'islam, il est du devoir de tous les musulmans de couper leurs relations avec ces traîtres, qu'il s'agisse des États ou des commerçants en vue de les obliger à se repentir. Que font ces chiens de faux musulmans en France? Qu'ils partent! Ils soutiennent l'opposant! Oh, je pense pas, je pense qu'ils sont là pour... Mais c'est les mauvais, parce que eux, c'est des sunnites, alors bon, c'est pas les bons. Tout à fait, ce sont les chiens, voilà. Ouais. Enfin bon, voilà, bon, je voulais vous tenir au courant, comme les dépenses publiques avec le cirque cramé et la future salle polyvalente à 3 millions d'euros, bah, je vous tiens aussi au courant des attentats, hein, chers auditeurs. Voilà, tout va bien à Nice, et Strozzi, c'est un gros... très très costaud, il vous protège, enfin, si vous habitez à Nice, quoi. Par contre, il est possible que vous fassiez de rouler dessus au poids lourd, ou égorgé si d'aventure vous assistez à un baptême, je sais pas, enfin, voilà, bon. Ah, mon Dieu, c'est assez miraculeux, tout ça. Alors, messieurs, je vous propose de faire une petite pause musicale, et on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie de Démocratie Participative. Que se passe-t-il si on se marie avec des musulmans ? Notre religion va disparaître. Notre religion va-t-elle vraiment disparaître? Oui, elle va disparaître. Donc, vous allez vous marier avec un alcoolique ou un musulman? Avec un alcoolique. Vous allez vous marier avec un drogué ou un musulman? Avec un drogué. Avec un clochard ou un musulman? Avec un clochard. Un chien galeux ou un musulman? Avec un chien galeux. Vous choisissez quoi? Oui, choisis le chien. Si tu te maries avec un chien, notre religion va-t-elle disparaître? Non, notre religion ne va pas disparaître. Est-ce que vous pensez qu'il y a un vrai problème avec les musulmans alors qu'ils ne sont que 4% en Birmanie? Parmi tous les problèmes qu'il y a en Birmanie, c'est le plus important. Je dirais même que c'est le problème numéro 1. Car vous savez, les musulmans veulent éliminer les autres peuples et les autres religions qui existent sur cette terre. La principale menace qui pèse sur nous, c'est que tous les musulmans se marient avec de nombreuses femmes et font beaucoup d'enfants. Tout simplement car ils veulent devenir la majorité en Birmanie. S'ils sont trop nombreux, ils deviendront comme l'État islamique. C'est pour cela que je dois protéger ce pays. Du côté du gouvernement, ils ont pris la bonne décision. Ils n'utilisent plus le mot Rohingya. Ils disent que ce sont des immigrants illégaux. Ils les ont mis dans des camps et ils seraient même prêts à les renvoyer dans un autre pays. Le gouvernement fait du bon travail et le peuple soutient le gouvernement. Voici pour cette deuxième partie de Démocratie participative, saison numéro 6, épisode numéro 11. Alors, rubrique numéro 4, progressisme. Alors messieurs, nous allons entrer dans l'élection présidentielle 2022, hein, c'est dans un an, ça va aller très vite maintenant. Bon, je vous ai fait part de mon sentiment sur l'ambiance en général. Donc. Mais il y a des clients, il y a des candidats. Nous avons des gens de talent qui, je vous ai dit, hein, voilà, on va vers une période dure, donc on a besoin de gens de qualité, n'est-ce pas? Et j'ai dit que ça serait très difficile d'en trouver. Je l'ai dit. Peut-être que je pêche un peu par excès de pessimisme. Pourquoi? Parce que, comment dire, BFM TV a tenu à... chaîne de Monsieur Drahi, hein, milliardaire israélien, qui informe les Français des choses qui comptent, quand même, hein. Eh bien, il m'a appris un truc, c'est que nous avons peut-être trouvé le sauveur de la France. Et c'est pas le maréchal Pétain, ou la sauveuse, je sais pas comment on pourrait dire ça, une nouvelle Jeanne d'Arc, une sorte de nouvelle Jeanne d'Arc, si vous voulez. Alors, je vous lis l'article, à propos de la nouvelle Jeanne d'Arc. Marie Co. avait été élu l'an passé dans la petite commune de Tilloy-les-Marchiennes. Il a choisi le bled. Dans le Nord, devenant la première maire transgenre de France. Donc en fait, c'est un type déguisé en femme qui est élu maire en tant que femme. D'accord? Vous me suivez? Désormais, elle se rêve présidente. Marie Co, donc première femme transgenre élue maire il y a un an dans la petite commune donc, de Tilloy-les-Marchiennes, comme j'ai dit, dans le Nord, souhaite se présenter à l'élection présidentielle en 2022, a-t-elle annoncé dans une interview dans La Voix du Nord. Je ne suis personne, je peux donc représenter tout le monde. Je souhaite être candidate à l'élection présidentielle de 2022, a-t-elle affirmé avant d'ironiser. On parle bien de Bigard, pourquoi pas moi? Son élection inédite l'an dernier avait été relayée dans de nombreux médias en France et à l'étranger. Pour la maire de 55 ans sans étiquette, cette médiatisation sera un atout majeur dans la bataille pour l'Élysée. Je pense que je suis prise au sérieux aujourd'hui, qu'on m'écoute. J'ai reçu des tonnes de messages de soutien et emmagasiné beaucoup d'énergie positive émanant du pays tout entier. Je ne peux pas ne pas en tenir compte, explique-t-elle. Donc en fait... Il y a une espèce d'appel du peuple pour que Marie Co, ou Jean-Pierre hein, en fait, hein, se porte, prenne l'étendard, hein, comme Jeanne, hein, et aille en avant des troupes anglaises, et crie « Suce à l'envahisseur ». Et de poursuivre, hein, sur sa lancée bien sûr, « J'ai la volonté de rassembler les Français autour des valeurs de bienveillance ». d'écoute, de respect mutuel, à l'heure où tout n'est que haine, peur et colère. Hein, je vous vois, cher auditeur, je vous vois, je sais que vous avez compris qu'il s'agit de vous. Reste le souci de réunir les 500 parrainages effectivement nécessaires pour se porter candidate à la présidentielle. Je compte sur le soutien des femmes, par qui la révolution sociétale viendra, mais aussi les jeunes, incroyablement ouverts, les maires des communes rurales aussi, dont je connais les difficultés. Explique l'édile avant de conclure, je ne serai pas là pour militer en faveur de la cause LGBT, mais si ça peut la servir, tant mieux. Alors, comme il est probable que Florent Philippot ne pourra pas se présenter, effectivement, il va falloir qu'on trouve des alternatives. J'en ai une à vous proposer, c'est Marico, comment dirais-je, une présidente pour tous les Français. Hein, alors, bon, vous êtes preneur ou quoi? Vous êtes... France. Bon, il faut les 500 parrainages, comme elle a dit. Alors déjà, ça, c'est un challenge. Mais est-ce qu'il n'y a pas 500 maires de la jaquette en France qui seraient tentés de foutre un travelot sur la ligne de départ? Question. Ben, déjà, si tu prends les clients de la frite tilotine, il y a moyen d'obtenir 500 voix directement. Hein. C'est la friterie de Tilloy-les-Marchiennes. Putain, t'es bien informé, toi, dis-moi. Ah bah oui, bah écoute, une future présidente, moi j'espère avoir un Marocain. Ah ouais, mais il va falloir le mériter. Hein, hein. Secrétaire d'État... secrétaire d'État au gaz. Ouais, mais attends. Eh, promotion canapé, hein, t'es prévenu. Hein. Dans le schisme, c'est autorisé. T'as le droit de coucher avec des transsexuels. C'est autorisé. Je suis ouléma certifié. Je suis certainement au courant de ce qui se passe aussi dans ma religion, quand même. Alors, je peux te dire que dans le schisme, on a. C'est pas ayatollah. Toi non plus. Tu n'es pas le guide suprême. Non, mais dans le schisme, t'as le droit les mariages temporaires avec les transsexuels, hein, c'est autorisé. Ouais, t'as le droit des mariages d'une heure. T'as des reportages sur YouTube comme ça en Iran. Ouais. En fait, le type, il se marie pour une heure pour baiser. Bon, en fait, il va avoir une pute, quoi, mais juste, il se marie. Quoi. Ouais. Ah non, mais c'est... Je prends libéral comme pays. Faire un tour, moi, je sais pas, ça a l'air intéressant. Non, on se rend pas compte, on pense que l'Iran s'est arriéré. On a des idées très arrêtées sur ce pays. Non, mais sérieux, en plus, on a des idées arrêtées sur ce pays, mais on a aussi probablement des idées arrêtées sur la façon dont ils pratiquent l'islam, je ne sais pas. Mais de toute façon, c'est pas l'islam sunni, c'est sûr. Enfin bon, on dévie. Mais comment dire, non, mais sans déconner, là. J'ai envie de dire, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui diront au point où on en est, je tiens. Ah non, mais attends, mais Gandalf, mais tout sauf Macron. Hein. Alors, qui fout le. Ah, c'est pas con, ça, ouais. Qui foutent le PD là, machin là. Enfin, qu'on en finisse vite là. Alors non, tu commets une erreur. Ce n'est pas un PD, c'est une femme. Ah ouais. Ouais. Ah ouais, là je. Ouais. Attention, il y a des lois pour lutter contre l'homophobie en France. T'es prévenu. Si tu mégenres, là j'ai vu ça récemment là. Quelqu'un a mégenré, je sais pas quoi, etc. Il y a eu un rourvari énorme. Je sais plus quel canard, c'est un journal. Non, mais je crois que c'est le Parisien, je sais plus quoi. Enfin, un canard tout à fait institutionnel et même à fond pro-LGBT, mais ils ont mégenré. En fait, ils ont appelé. Encore un taré qui se prend pour une femme, quoi. Ils ont dit il ou je sais pas quoi. Yel. Ouais, yel. Ouais. Ah ouais, ils font ça maintenant aussi. Ouais, bref. Et non, mais attends, tu lis les communiqués des gauchers de Tolbiac, ouais. Là? Ouais. Enfin, c'est un hiéroglyphe le truc, hein. Pour le décoder, moi je prends 5 minutes. Hein. Sinon, t'as les bio Twitter, c'est pas mal aussi. Il, elle, elle. Enfin bon, focalisons-nous donc sur l'avenir de la France. D'accord? Donc toi, tu me dis tout sauf Macron, le travelot, pourquoi pas? C'est ce que tu me dis. Ah oui, non, mais un homme qui porte des robes, une femme à barbe, ce que tu veux. Mais non, mais là, il faut que la France. Je suis désolé, faut que la France parte en guerre. Faut qu'il y ait une guerre. Donc, je pense que si on fout une femme à barbe à l'Elysée ou un homme avec une robe, avec des poils qui dépassent, on est bon. Voilà. Faut qu'il y ait un gros boom. Donc, pourquoi pas. C'est pas faux. C'est bien. Et surtout, ça serait bien que la République crève avec une femme à barbe à sa tête, quoi. Je veux dire, ça serait quand même pour l'histoire. Non, sur le plan international, non, ça serait sympa, tu vois, t'as Poutine, quand même, il arrive. Ah ouais, ça serait classe, ouais, je t'avoue que je serais... Et les Bougnoul en France, il serait bien aussi, tu vois, faut obéir à la République, machin, puis en haut, t'as la... Une femme à barbe, c'est top. Ouais, t'as la tata en chef et tout. Et putain, et les gradés de l'armée, là. Les 4 étoiles, ou le général de la Légion, au garde-à-vous. Putain, oh, je paierais pour voir ça. Putain, et en plus, c'est quoi, on est républicains, merde, on respecte les institutions. Alors, t'aurais tous les mecs qui seraient là au garde-à-vous devant la tata. Putain, oh, j'adore. Tu sais, qui marche comme un mec, mais avec des talons, putain, ça aurait trop d'allure. Oh, le 14 juillet, j'ai une vision. Le 14 juillet, donc t'as le tromblon, tu sais, il marche sur les pavés avec ses talons, etc. Il arrête, putain, il y aurait tous les militaires. Et en plus, il demanderait une chorégraphie moderne, ouverte, comme elle a dit, hein, tolérante. Putain, je sais pas ce qu'on aurait là, mais probablement, je sais pas, au YMCA ou un truc comme ça, tu vois. T'aurais Pierre de Villiers en tutu. En train de danser là pour la parade. Ah, je pense que lui il ferait un communiqué pour dire attention, il faut. Enfin voilà, il dirait non, il faut. Trop à droite. Trop à droite. Faut inclure, faut inclure. Ah, ouais. Non mais je sais pas, mais écoutez, c'est crépuscule, on le voit bien, c'est le crépuscule quoi. Hein, peut-être pas le crépuscule des idoles, mais en tout cas le crépuscule de la République française. On a de tout quoi, hein, tout est possible. Maintenant, la vraie question que je me pose, parce que je se présente, je me demande s'il arriverait à avoir 500 signatures, c'est difficile quand même, je pense. Ouais, il y a quand même au moins 500 maires PD. Ah ouais, il y en a au moins 500, ouais. Au moins 500. Ouais. Ouais. Déjà, tu peux dire que toutes les mairesses, elle signerait comme un seul homme, sans vouloir faire de mauvais genoux. Pas mal. Ah, les rombières, là, elles signent. Ça c'est progressiste. Non, mais en plus avec un travelot comme ça, non, imaginez, on se projette un peu. Imaginez, elle a les 500 signatures. Mais ils font chier. Oh là là. Mais c'est pénible, hein, parce qu'ils disent elle, et puis à force de lire elle, je dis elle, quoi. Bon, donc il, donc Jean-Pierre. Donc Charles Bronson plutôt, parlons clairement. Charles Bronson a les 500 signatures. Du coup, il participe à tous les débats, quoi. Mais putain, mais il ringardiserait tous les autres, quoi. Genre, je sais pas quoi, Philippe Poutou, etc. Bon, ça ferait archéo, quoi. Ça ferait vraiment archéo à côté, quoi. Il y aurait rien de marrant, tu vois. L'autre, là, ouais, la révolution du prolétariat, putain, c'est chiant, on s'emmerde, toi. Un travelot, ça c'est marrant, ça. Ça, c'est marrant, tu vois. Donc, de ce côté-là, je suis assez... Mais pour vraiment que ça soit vraiment fun, il nous faudrait un candidat musulman à l'élection présidentielle, tu vois. Mais avec la barbe, quoi. Puis la djellaba, tu sais... lui aussi, qui dirait... je pense qu'il faut un candidat pour tous les Français. Tu vois, un truc pas mal. Et du coup, un débat... Welbeck, quoi. Ouais, mais un débat entre le travelot et le salafiste, là. Tu vois, le salafiste de l'Union pour la paix. Tu vois, en tout cas, ça serait... Non, mais ce serait ça, en plus. Un salafiste avec une gueule d'assassin, tu vois. Mais le nom de son parti, ce serait l'Union pour la paix et la tolérance. Et de l'autre côté, ce serait pareil. C'est-à-dire, l'autre, t'aurais le travelot, et ce serait le mouvement pour l'union de la tolérance, un truc comme ça, je sais pas quoi, mais putain, je m'imagine, j'aimerais voir ça. Alors, je suis désolé de vous décevoir, mais ce sera rigoureusement impossible qu'elle postule à la présidentielle. En effet, je viens de regarder sur Google Earth, il n'y a ni synagogue, ni mosquée dans sa commune. Bon, mosquée, ok. Mais synagogue, c'est intolérable. Non, il faut une synagogue. Non, mais si c'est un travelot, il est par définition, il est un féodéo juif, quoi. Ça, c'est marqué dessus, quoi. Il n'y a même pas une petite loge maçonnique, c'est tout dire. Ah. Si ? Non. Ah si, il y a la loge maçonnique de l'anus. Ah, ça, cette maçonnerie-là, elle existe, hein. Elle est bien représentée, c'est eux qui contrôlent les Chiennes, c'est ça, c'est ça le nom de la commune. La commune des Chiennes, bon, je sais pas. Ah, bref. Rien de, vous avez pas de commentaire à faire là-dessus? Alors, un commentaire quand même plus sérieux, je veux dire, sur le fait qu'un Travelos présente. Bon, il n'a pas les 500 signatures, donc c'est pas encore un candidat officiel, malheureusement. Mais au point bon. Où on en est, ouais, ça, ouais. Marine Le Pen, je vois pas trop la bizarre. Qu'elle fera la première dame. Ok. Vas-y, Fulbert. Je vais ajouter un petit truc dont je vous ai déjà parlé, mais vous savez, parfois, il vaut mieux parfois répéter. Bon, dans le cas que vous invoquez, la Morico, elle est mairesse, ça. Hein. En Belgique, on a fait mieux que vous, les gars. Hein. Bon, c'est pas encore le président de la République. C'est une ministre de la fonction publique et des un ministre de la fonction publique et des entreprises publiques. Je dis un ministre parce que tant qu'il a une paire de baloches, pour moi, c'est un mec. Donc, il s'appelle Petra de Sutter. Il est également vice-premier ministre dans le gouvernement fédéral. Oui, parce que c'est un ministre fédéral. C'est-à-dire que c'est une des 8 personnes, si je ne m'abuse, qui touche le même salaire que le premier ministre. C'est-à-dire beaucoup. Pas loin, ça frise des 30 000 euros par mois. Bon, Léo de Nard, en 63, elle a donc 57 ans, ou 58 ans, quelque chose comme ça. Et c'est un professeur de gynécologie. Je dis un petit peu, il faut ce qu'il faut. Donc, elle n'arrive pas là, vraiment par hasard, on l'y a mis. Et de là devenir Premier ministre dans quelques années, il n'y a qu'un pas. Hein. Roi, je doute, mais Premier ministre, ce ne serait pas impossible. Donc, vous voyez, en Belgique, on est quand même un peu en avance, pour une fois. Au Japon, Yoshi, je crois qu'il y a aussi une ministre transgenre, ministre de chez nous. Non. Ah non, c'est à Taïwan, je sais plus. Voilà, à Taïwan, ils ont un travelot déguisé en... Enfin, oui, un travelot ministre de je sais même plus quoi aussi, ouais. Bah, c'est une province américaine, hein, Taïwan, donc forcément, ça vient avec des conditions. Hein. Fatalement. Hein. Audrey Tang, me dit Google. Putain, la tronche, oh là. Ah ouais, là, en plus, le client, là, il est à moitié... Tu sais, je dis la moitié chose, c'est-à-dire la moitié... Du crâne est chauve, mais derrière il y a les cheveux longs. Donc là c'est. On dirait un espèce de moine Shaolin, mais. En plus, il essaye même pas d'être un travelot accompli, quoi. Il a juste les cheveux un peu plus longs et il se fait appeler madame, quoi. Ah ouais, non, c'est quand même carabiné. C'est carabiné, quoi. Bon, bah voilà, je sais pas, c'est une expérience. Voilà, bon. Moi, je pensais à la rigolade parce que si vous voulez, tout ce qui peut. Tout ce qui peut convaincre cette république, comment dirais-je, d'obsolescence, je le prends avec à bras ouverts. Je veux dire, voilà, je trouve ça très très bien. Je trouve ça très très bien. Je dis juste que voilà, je regrette qu'il n'y ait pas encore un candidat salafiste. Je lance une bouteille à la mer, si jamais on nous... Ah oui, toi tu gueules, parce que tu vas dire ça c'est des chiens aussi, non, toi tu voudrais un candidat chiite, mais salafiste, ça me botterait bien, moi, j'aimerais bien. En plus, d'ailleurs, au plan purement légal, un candidat salafiste peut se présenter à l'élection présidentielle, je veux dire, s'il est à partir du moment où il a des papiers français, il n'y a rien qui l'en empêche. Par contre, il n'aura jamais les 500 signatures, ça c'est vrai. Ça c'est un petit peu... Enfin, maintenant... Dans 30 ans, ce sera peut-être différent quand même. On aura peut-être des gens qui seront déjà bien établis qui diront qu'il faut lui donner sa chance, je ne sais pas. Mais bon, ça aurait donné un peu de relief. À propos du ministre fédéral Petra de Sutter, j'ai oublié de préciser, quand tu parlais de salafistes et d'extrémistes de tous bords, j'ai oublié de préciser qu'elle sort du parti Groen, c'est-à-dire les Verts, c'est-à-dire les écolos flamands. Ah oui, c'est une flamande. Enfin, c'est un flamand. Ah, ils font chier avec leur putain de truc, là. On se gourre à chaque fois. C'est pas le côté flamand, moi, qui m'emmerde, c'est le côté... Non, mais j'entends bien. Mais d'accord, ouais, donc c'est une verte flamande, quoi. Enfin, ouais, c'est un vert flamand. Mais bordel de Dieu, ça te bouffe le cerveau, leur truc. Ça te bouffe le cerveau, hein, c'est fou, ça. Ah oui. Absolument. Parce que... Ouais, non. Bon, j'ai pas vu le client en même temps, peut-être que... Mais bon. Ah ouais, non, mais les airs... Ça me fait penser à... Bah, en France, on a eu ça, les écolos, qui ont présenté un candidat, une candidate, je ne sais même plus d'ailleurs, Maîtresse de Mina, ça vous rappelait quelque chose? Hein? Et l'affiche. Non, t'avais un truc de maîtresse sadomaso, je sais pas quoi. Quoi? L'affiche. Ah non, j'ai pas vu ça. Oh. Ah, je me souviens plus, j'essaie d'en trouver ça. Ouais, c'était un fake. Non, non, c'était un vrai truc. Oh putain, oh la vache. Bon, à la mairie de Paris, il y a quelques années, il y avait eu Paris Plaisir. Là. Je crois que c'était quand Delanoë avait été Paris Plaisir. Oui, c'était pour l'ouverture des boîtes de bordel, en fait. Hein. C'était, quand... Des bordels homosexuels? Ouais, finalement, ouais, probablement il y avait de tout. Hein. Je pense pas qu'ils étaient sexistes ou racistes sur ces côtés-là. Ouais, mais on a eu Notre-Dame de Paris, Bertrand Delanoë. Mais elle a cramé, elle a cramé. Ouais, ça préfigure quelque chose, je sais pas. Oh la vache, putain. Voilà. Ah, il rêverait. Donc là, je suis tombé. Donc, j'ai pas trouvé ce que je cherchais, mais j'ai trouvé autre chose. Hein. C'était Europe Écologie Les Verts. Et t'avais Thierry Schaffhauser, je sais pas comment ça se prononce, qui est en robe, qui porte un chien, du rouge à lèvres et une perruque, qui est à moitié à poil, qui est à côté d'un truc qui ressemble à une femme. Enfin, c'est. Oh là là, c'est. Google, les gars, Google, vous allez pas regretter. Hein. Oh putain, oh la vache. Mais là, je suis curieux de voir sur le cas de Marico, parce que Marico, c'est pas juste un type, tu vois, qui dit, voilà, j'ai envie de me présenter. Il est maire, quand même. Donc, pour cette raison, ça peut faire un peu illusion, vous voyez ce que je veux dire. Donc, sa candidature, comme il est maire d'une commune, sa candidature, même si, évidemment, c'est une candidature relativement folklorique, hein, encore que dans le contexte, mais on va quand même lui accorder une réelle attention médiatique, ça c'est sûr. Et je suis curieux de voir, en fait, la réaction du lobby LGBT dans les médias, dans les rédactions, quoi. Pour voir jusqu'à quel point ils vont pousser le truc pour essayer de lui faire obtenir des signatures. Même si on se doute qu'elle les aura pas, qu'il... Ah, ils me font chier avec ça. Donc, qu'il ou elle, machin, truc, les aura pas, quoi. Ils vont quand même vouloir entretenir le feuilleton, quoi. Genre 200 signatures, 300 signatures, tu vois, mois après mois, quoi. Juste pour faire la promo, en fait, des travelots. Ça va se passer. Et puis en plus, comme il faut faire le tour de France, parce qu'il faut aller dans les communes, hein, des marchés, on aura la presse régionale qui va embrayer aussi. Ça risque d'être assez drôle. Et puis tu sais, pour faire la morale aux gens, pour leur dire c'est pas bien hein, d'être je sais pas quoi, homophobe, transphobe, comme je sais pas. Enfin, à mon avis, c'est eux qui sont tarés, mais bon, peu importe. Donc à suivre de près. Tant que j'y suis, est-ce que je peux vous solliciter comme ça, mais sans faire de long développement, hein, vraiment. Élection 2022, là, en ce moment, comment vous voyez ça? Est-ce que vous avez une opinion sur les choses, comment elles tournent, là? Ou pas particulièrement, vous en foutez complètement? Ouais, ils essayent un peu de gonfler quand même la mère Le Pen. Hein. Je dis bien qu'il y a une base qui est solide et qui ne changera pas de vote sur le Rassemblement National, quoi qu'on puisse en penser. Mais ça a l'air un peu artificiel, tout ça. J'ai l'impression qu'ils nous font la même soupe. Après, moi, je suis partant de... Je suis assez sérieux, hein, vraiment, le candidat salafiste ou travelo ou même Rassemblement National, ce que vous voulez, mais tout, il faut un truc qui choque, quoi. Donc, pourquoi pas. Après, moi, je pense pas que le salut viendra par les urnes, hein. Ça, c'est notre Ah question. Non, mais par contre, le chaos peut venir par les urnes, par contre. J'espère bien. De toute façon, on a parlé de cette histoire de dette juste avant, là. Ouais, voilà. C'est insoluble, hein, ce problème-là. Il y a pas mal de problèmes qui sont insolubles en France, juste qu'on se demande quand est-ce que ça va péter. La question, c'est pas est-ce que ça va péter, c'est juste quand. J'espère juste que ça arrivera le plus tôt possible, voilà. Comme ça, on aura un peu le nombre pour nous. Oui, effectivement, on ne peut pas résoudre un problème de dette par des élections. C'est tout à fait certain. Non, ça ne marche pas comme ça. Ouais. Bon, personne d'autre sur le... Bon, on aura l'occasion d'en reparler. Vas-y, Alexis. Simplement dire que l'histoire de la femme à barbe, ça fait le lien avec la question du cirque, parce que c'est la question de la bête de foire. Donc, je vous invite à ce titre à regarder le film de Alfred Hitchcock en noir et blanc qui s'appelle Freaks, donc les monstres en anglais, qui porte là-dessus sur des femmes à barbe et des nains qui font de... qui sont des personnes de cirque. Alors, pour boucler la boucle, je propose qu'on exhibe Marico, le travelot, dans la future salle polyvalente de Chanteloup-les-Vignes devant un public qui sera conquis, j'en suis certain. Hein, voilà. Il y aura aussi... Je demande à voir, mais il est possible qu'il y ait un nouvel incendie dans la foulée. Mais bon. C'est la bête du Gévaudan qui va bien rigoler. Elle serait foutue de partir en courant, la bête du Gévaudan. Alors, messieurs. J'ai envie de dire du bien de l'Union Européenne, donc ça, c'est une nouvelle quand même. Là, c'est vraiment purement informatif, en fait. Je veux pas nécessairement qu'on en parle longuement, quoi, mais je me suis dit qu'il fallait quand même que les auditeurs soient au courant, parce que l'Union Européenne a toujours d'excellentes idées hein, pour les citoyens européens. Alors celle-là, elle est bien quand même. Donc les députés européens, donc ça c'est le Parlement européen en plus, hein. Donc les gens qui ont été élus, quoi. Les députés européens soutiennent le projet de l'Union Européenne visant à obliger les fournisseurs de services de messagerie, donc typiquement les emails, quoi, à rechercher les conversations privées et à les signaler à la police. Donc c'est à faire du filtrage actif de toutes les conversations par email. Donc les membres du Parlement européen accueillent favorablement les projets de la Commission européenne visant à obliger les fournisseurs de services de courrier électronique, de messagerie et de chat à fouiller dans les conversations privées des utilisateurs et à signaler les contenus illégaux, selon l'eurodéputé Patrick Breyer. Donc c'est un Allemand. Breyer, un militant allemand des droits numériques qui représente le parti pirate allemand au Parlement européen, a révélé que ses collègues députés avaient voté à une écrasante majorité en faveur de l'intention de la Commission européenne d'obliger les fournisseurs d'emails, de messagerie et de chat à rechercher dans tous les messages privés du matériel prétendument illégal et à le signaler à la police sur les médias sociaux. Hashtag chat control, comme Breyer et d'autres militants appellent les mesures proposées, signifiera une surveillance de masse privatisée et la fin du secret numérique de la correspondance, a-t-il averti. Sur son site web, M. Breyer, docteur en droit de l'université Goethe de Francfort, explique que l'Union européenne veut que tous les chats, messages et courriels privés soient automatiquement analysés en vue d'y trouver quoi, des contenus suspects de manière systématique et sans discernement, sous prétexte de lutter contre, je cite, la pédopornographie. Il n'est pas nécessaire d'obtenir une ordonnance d'un tribunal ou d'avoir un soupçon initial pour fouiller vos messages. Cela se produira toujours et automatiquement, prévient-il, ajoutant que si un algorithme classe le contenu d'un message comme suspect, vos photos privées ou intimes peuvent être visionnées par le personnel et les contractants de sociétés internationales et par les autorités de police. Un message résumé en « la police vous regarde faire des sextos » dans le matériel de campagne. Breyer affirme que les algorithmes de contrôle du chat sont connus pour signaler des photos de vacances tout à fait légales d'enfants sur une plage, par exemple, ce qui peut avoir pour conséquence que des citoyens innocents soient faussement dénigrés et fassent l'objet d'une enquête. La messagerie et le contrôle du chat sans discernement incriminent à tort des centaines d'utilisateurs chaque jour. Selon la police fédérale suisse, 90% du contenu signalé par les machines n'est pas illégal, a-t-il souligné. Donc la source de ça, c'est Breitbart.com. Alors messieurs, en fait, ça c'est une première mouture qui a été signée, mais le vote final doit avoir lieu en avril ou au mois de mai. Silence total des médias, vous l'aurez observé, silence total des groupes. Je me suis intéressé au comportement des eurodéputés, par groupe, par groupe quoi, c'est-à-dire comment ont voté extrême droite, extrême gauche, centre, libéraux, tout ce que vous voulez, toutes les couleurs représentées au Parlement européen. Alors, l'honnêteté commande de dire qu'en fait, d'abord, effectivement, il y a une écrasante majorité des eurodéputés qui ont voté pour ce truc ahurissant qui consiste à conférer à l'Union européenne et à ses gouvernements et à la police de fouiller sans raison et sans autorisation, sans enquête, sans rien, vos emails. Alors évidemment, on n'est pas naïf, hein, on sait très bien qu'ils le font déjà, hein, plus ou moins, mais de manière illégale. Mais là, l'idée, c'est de créer un système où c'est systématique. Systématique, c'est-à-dire que tous les emails sont lus, sans exception aucune, et on va repérer le contenu illégal. Alors on commence bien sûr, vous l'avez bien compris, avec la pédopornographie. Pour vendre le truc, c'est toujours le même, c'est toujours la même affaire. Soit c'est le terrorisme, soit c'est la pédopornographie. Là, si vous objectez, on va vous accuser d'être soit un terroriste ou un pédophile, voilà, en gros, quoi. Donc il faut créer une espèce de grande structure numérique voilà, où on va fouiner dans tous les emails en permanence, etc. Voilà. Alors, les groupes. Alors le groupe, en gros, les souverainistes, quoi, parmi lesquels on va retrouver le Rassemblement National, a voté pour. Ils ont voté pour. La droite a voté pour, les libéraux, style Macron, etc., ils ont voté pour, la gauche a voté pour, la gauche radicale, type Mélenchon et compagnie, était divisée, il y a eu des abstentionnistes, et des gens qui ont voté contre, mais grosso modo, ils n'étaient pas très chauds, et en revanche, les écologistes ont tous voté contre. Donc, ce qui est étonnant. Oui, c'est étonnant, mais bon, il faut le reconnaître, hein, voilà, ça a été la seule formation politique au niveau du Parlement européen qui s'est bien comporté sur ce texte. En fait, je dis que c'est étonnant pour une raison précise. C'est que le type en question, là, Patrick Breyer, d'abord, moi, un Allemand qui a le prénom Patrick, j'ai comme un doute. Mais bon, passons. Le type sort du Piratenpartei, donc le parti des pirates, qui est inspiré d'un parti suédois. Et ces gens prônent la démocratie directe sur Internet, plus de transparence politique, ils accordent la protection des animaux, ils sont d'accord pour la légalisation des drogues, oui. Le mariage homosexuel, le droit à l'adoption pour les homosexuels, et au développement de réseaux, transports en commun, on s'en fout. Bon voilà, ça donne une petite... C'est pour ça que c'est étonnant que les écolos ont voté contre. Alors, qui veut réagir sur ce truc sur la pédopornographie? Alors, je veux le souligner, on a parlé, enfin, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ils soutiennent, enfin, là, vous avez vu, on a parlé du maire transgenre, mais vous avez remarqué dans les médias, en ce moment, ils poussent de plus en plus ce truc absolument atroce qu'ils ont appelé les enfants transgenres, ce qui n'existe pas, hein, pour, en fait, et ça, c'est une obsession des homosexuels, et il faut toujours faire le lien entre homosexualité et pédophilie, hein. Parce que ce lien est très réel, hein, d'accord. Donc quand vous voyez dans les médias, en sachant qu'il y a énormément de PD hein, dans les rédactions, poussez ce truc-là, dites-vous bien que ce sont des vieux PD dégueulasses qui veulent enculer des petits garçons déguisés en filles. Hein. Ni plus, ni moins. D'accord. C'est ça le projet qu'ils ont en tête. Ce sont des tarés, ils sont authentiquement fous. Ce sont des criminels. Donc les médias poussent ça maintenant, ou plutôt ceux qui le contrôlent. Il n'y a pas que des PD qui contrôlent les médias, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ils poussent ça. Donc quand les types disent la pédopornographie au secours, oui, alors en fait, non, hein, vous avez bien compris que quand il s'agit de vouloir saloper la tête des gamins pour en faire des proies, les activistes du lobby homocidaïque ne reculent devant absolument rien. Donc c'est une excuse bidon. Simplement, ils savent très bien comment manipuler l'opinion, et pour vendre le truc, ils ont dit, voilà, c'est pour arrêter d'horribles violeurs d'enfants. Tout le monde est con, et tout le monde est pour arrêter les violeurs d'enfants, bien sûr. Donc c'est une façon d'attraper l'opinion, quoi. Mais quand c'est pas ça, c'est le djihadisme. Ah ouais, mais comprenez le risque terroriste. Alors les gens sont là, bah oui, quand même, hein, au secours, on va tous se faire égorger, donc où c'est consigne. Bon. Donc ça, je voulais souligner ça quand même, le prétexte qui est utilisé. Et alors le truc est absolument exorbitant, quoi. C'est-à-dire que là, bon, comme je dis, quoi, on sait très bien que de toute façon, il y a de l'espionnage et tout, hein, c'est clair. Mais là, le truc, c'est de le systématiser pour interdire en fait d'avoir une communication privée. Ce qui les dérange, en fait, c'est une communication privée. Voilà, ils ne tolèrent pas l'idée qu'il y ait une communication privée. Voilà. C'est ça qu'ils veulent absolument écraser aujourd'hui dans l'Union européenne. Moi, je suis désolé, mais plus le temps passe, et plus ce système, rend le système de surveillance chinois et de contrôle chinois bénin par comparaison, je veux dire. Parce qu'en Chine, quand vous regardez le crédit social, etc., au fond, c'est pour faire quoi? C'est pour encourager les gens à faire traverser les vieilles dames la route, pour pas balancer leur détritus par terre. Vous voyez, bon, c'est des trucs quand même... voilà, il n'y a pas que ça, évidemment. Ils espionnent aussi des opposants politiques potentiels, mais bon, vous en faites pas, les démocraties en font autant. Hein. Mais grosso modo, le crédit social juif qu'ils veulent imposer dans l'Union européenne, c'est pour imposer la dégénérescence à tous les niveaux. Et là, vous voyez bien qu'ils veulent vraiment empêcher les gens d'avoir des communications privées qui leur échapperaient, et dont le contenu leur échappe aussi. Ça vise clairement le peuple, dont ils se méfient de plus en plus, donc. Quand vous voyez que le Parlement européen, qui est censé être élu, machin, la représentativité, et que ça inclut les souverainistes, soi-disant, qui sont là pour représenter... Non, Non. Je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas ce que vous pensez de ces deux. Moi, je comprends pas parce que on m'a appris que depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, il n'y avait plus de totalitarisme méchant, tyrannie, etc. Tout le monde est gentil. Et là, je vois quand même des gens qui se comportent comme des gros salopards. Donc, est-ce qu'on m'aurait menti, premièrement? Et puis, oui, tu fais bien d'appuyer sur l'histoire de pédopornographie. Ça, c'est une vieille excuse. Hein. Ça remonte. Hein. Pour ceux qui suivent un peu qui ont suivi les conférences de Benjamin Bayard, je ne sais pas si vous connaissez, c'est un conférencier français assez connu, c'est un ancien informaticien, un peu geek, un libertarien de gauche, hein, pas quelqu'un qui est sous nos idées, mais qui fait beaucoup de conférences sur les libertés individuelles liées à l'informatique. Lui, il avait créé un mème qui s'appelait Pédonazi, il a même créé un site qui existe encore qui s'appelle pédonazi.com pour se moquer justement de ces excuses qu'on sort à chaque fois aux citoyens français pour leur enlever des libertés, voilà. Et ça marche, hein, les gens gobent. Hein. Faut protéger les enfants, terrorisme. Puis en plus, c'est vague, quoi. Terrorisme, tu fais tout dedans. Croyez-moi, ils vont mettre le suprémacisme blanc dans le terrorisme. Tout à fait. Et en plus, c'est des critères absolument ahurissants, parce qu'ils disent, voilà, il y a une photographie qui pourrait être... D'abord, ils disent, il y a énormément d'erreurs. En plus que... Même quand ils essayent effectivement de repérer des pédophiles, quand les tentatives ont été... 90% se plantent. Donc, tu vois, t'as des mecs, ils envoient des photos de vacances de leur famille, etc. Tout d'un coup, t'as les flics qui frappent à ta porte. Oui, vous êtes suspecté de pédophilie, etc. Bon, déjà, si tu veux, ça te fait un peu bizarre, quoi. 90% d'erreurs. Donc, le truc est même pas fiable, déjà, tu vois. Mais en plus, les critères qu'ils vont utiliser... Je veux dire, le suprémacisme blanc, c'est quoi? Donc, tu vas faire un camping avec des potes. Là, c'est un camp paramilitaire. Qu'est-ce que vous préparez? Tu vois ce que je veux dire? C'est ahurissant, un truc comme ça. Et c'est voté comme un seul homme par le Parlement. Incroyable. Le Parlement européen, enfin, qui met le tampon sur un truc qui est décidé par la Commission européenne, quoi. Alors bon, du coup, ça veut dire que, alors, évidemment, les gens qui prennent des précautions passent par des trucs chiffrés, quoi. Genre Signal, Session. Il y a pas que ça. Il y en a d'autres, hein, je veux dire. Mais le gros du peuple ne le fait pas. Le gros du peuple ne le fait pas. Il passe toujours par des messageries normales, quoi. Donc, puis t'as toujours les éternels crétins qui disent « Ouais, mais moi, j'ai rien à cacher. » Tu vois, c'est, je veux dire, le KGB, hein, il a le droit de fouiller sur les gens. Moi, j'ai rien fait de mal. Tu vois, ça, c'est des excuses vraiment de débiles, quoi, tu vois. Il déroule, hein, je veux dire, on le sent. Encore 10 ans de ce régime-là et vraiment l'Union européenne, les États membres de l'Union européenne. Parce qu'attention, l'Union européenne, c'est pas une entité comme ça au-dessus de. C'est une coalition de bureaucratie étatique. Hein. Je veux dire, c'est des gens à Paris, c'est des gens à Berlin, c'est des gens voilà. Hein, c'est pas uniquement des gens à Bruxelles. Hein. Ces gens-là ont un projet et s'ils vont au bout, je vous le dis, la Chine sera un paradis libéral par comparaison. D'ailleurs, je pense que la Chine est un paradis libéral par comparaison. Je pense. Ouais. Il y a des trucs qui sont interdits en Chine, mais grosso modo, qu'est-ce qui nous emmerde, c'est pas de vivre avec des nègres, de pouvoir avoir une vie normale au quotidien, ouais, des trucs comme ça. Bon, bah, c'est des trucs comme ça que vous ne vivez pas en Chine, quoi. Je veux dire. Donc en Chine, grosso modo, sauf si vous appelez à renverser le gouvernement, vous n'allez pas avoir d'emmerde. En substance, c'est ça, quoi. Si vous dites qu'il y en a marre du parti unique, il faut un truc, bon, là, t'auras des problèmes. Mais si tu dis, putain, il y en a marre d'avoir des nègres en Chine, tu vas pas être poursuivi par l'État. Hein. Si tu dis, tiens, peut-être que l'Holocauste, c'est peut-être un truc qui a un peu gonflé, etc., l'État va pas débarquer chez toi, ou tu vas pas avoir des points en moins sur ton crédit social. Hein. Donc, en revanche, en Europe... Qui est à l'origine de cette loi, ne serait-ce pas Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture sous la droite dure de Sarkozy, qui avait écrit le livre La mauvaise vie, dans lequel il racontait sodomiser régulièrement des enfants en Thaïlande et au Maroc notamment, peut-être. Il a jamais été emmerdé pour avoir fait ses révélations d'ailleurs. Ouais, donc tant que ce type sera pas en taule, moi, la lutte contre la pédopornographie. Voilà, ouais. Ouais. Jack Lang se porte très bien, je pense. Mais bien sûr, je veux dire, c'est un sketch. Enfin bon, voilà, donc les intentions de l'Union européenne et des gouvernements des États membres de l'Union européenne sont là. Et notez bien, et ça je veux le souligner aussi, parce qu'on parle beaucoup de la Pologne, etc., de la Hongrie, qui aurait des orientations différentes sur la question de l'immigration. Oui, d'accord, tout ce qu'on veut, mais notez bien que quand il s'agit de voter ce genre de loi, il n'y a pas de clivage. Y compris avec ce qui est présenté comme des nationalistes ou des souverainistes, d'accord ? Salvini et compagnie, etc., ils ne votent pas tous comme un seul homme contre, hein, au contraire. Hein. Je ne suis pas du tout convaincu par ces clivages artificiels alimentés par les médias. Je vois ce qu'ils votent. Et là, par exemple, là, les écologistes ont bien voté, par exemple. Pour une fois, ça leur arrive aussi. Hein. Comme on dit, une horloge pétée donne deux fois l'heure correctement dans la journée. Hein. Mais bon. Voilà, enfin, en tout cas, vous voilà informés. Est-ce que quelqu'un veut-il rajouter quelque chose là-dessus ? Non, personne. D'accord. Alors, messieurs, une note plus positive, je voulais parler un peu de bouddhisme participatif, là aussi à titre purement informatif, mais c'est pour montrer que c'est possible. Quand on veut, on peut. Dépêche Reuters, et on va aller en Birmanie, au Myanmar. Alors, vous savez, là-bas, ils ont essayé la démocratie, et ils ont constaté que c'était un échec. Du coup, en fait, ils ont décidé de reprendre la main. Donc, vous savez, ils se sont débarrassés de leurs problèmes musulmans. Alors, eux, ça a pris quelques semaines. Hein. Voilà, ils ont dit, tiens, on a un million de bougnoules, c'est trop, on n'en peut plus. Allez, hop, dehors. Quelques semaines, ça a été réglé. Comme quoi, Robert Ménard pourrait peut-être en prendre de la graine. Hein. Et puis, ils sont passés à l'étape suivante, parce qu'ils sont harcelés à cause de ça, parce que vous êtes tout d'un coup, les démocraties occidentales se soucient du sort des musulmans, vous savez, leurs meilleurs amis, quoi. Alors ils ont dit, tiens, il y a peut-être un lien de cause à effet, et ils ont décidé de purger, en fait, l'appareil d'État de tous ces démocrates qui étaient soutenus par l'Occident. Et ça donne ça, je vous lis la dépêche, l'Open Society Foundation, donc une organisation philanthropique, entre guillemets, hein, fondée par le milliardaire George Soros, a demandé mardi la libération immédiate d'un membre du personnel détenu au Myanmar et a déclaré que les allégations de mauvaise gestion financière étaient fausses. Les médias d'État du Myanmar ont rapporté que les autorités avaient placé en détention un responsable de l'Open Society Myanmar et recherchaient 11 autres employés donc, de cette fondation, soupçonnant le groupe d'avoir transmis des fonds aux opposants au coup d'État du 1er février. Alors en fait, non, c'est pas un coup d'État, c'est la reprise en main par les patriotes de l'armée et les défenseurs du bouddhisme traditionnel, bien sûr, la reprise en main de l'État, qui était tombé entre les griffes des globalistes. Alors, les fondations pour une société ouverte sont profondément préoccupées par les informations selon lesquelles un membre du personnel de l'Open Society Myanmar a été détenu au Myanmar, ont déclaré donc la fondation de Soros, par courriel. Nous demandons sa libération immédiate. Nous sommes alarmés par les informations selon lesquelles les autorités cherchent à interroger d'autres membres du personnel. Le journal Global A New Light of Myanmar, qui a été pendant des années un porte-parole de l'armée, a déclaré que donc cette fondation avait transféré des fonds sans demander l'autorisation du département de gestion des devises étrangères. Le groupe a ensuite échangé. Donc le groupe de Soros a ensuite donc donné 1,4 million de dollars en kyat, la monnaie du Myanmar, sans respecter les règles et règlements nécessaires selon le journal. Le journal Global New Light of Myanmar a suggéré que des organisations non gouvernementales, non identifiées, fournissaient une aide en espèces au mouvement, donc insurrectionnel. Quoi. Le journal a indiqué que le responsable financier de l'Open Society Myanmar, un certain Phiu Papa Tao, était interrogé depuis vendredi dernier au sujet de ce flux d'argent vers le mouvement insurrectionnel. Alors, messieurs, décidément, moi, je suis totalement conquis par la Birmanie. Déjà, les Rohingyas, c'était bien. Hein, déjà, donc les Bougnoules... les bougnoules bangladais virés à coups de pompe dans le cul, c'était super. Mais alors là, virer la juiverie internationale de Soros, c'est encore mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, très bien. Le chiite approuve ou quoi? Tout à fait. Alexis? Bah, c'est courageux de leur part. C'est bien de planifier, de penser à faire cela, mais de le faire, de tenir ses promesses, c'est quelque chose de couillu. Oui, parce que là, il déclare la guerre frontalement, en fait, à la pieuvre. Parce que Soros, c'est pas rien. Soros, d'ailleurs, il est lié à... parce que vous savez, hein, dans la reprise en main de l'Occident actuel qu'on connaît avec cette crise sanitaire montée de toutes pièces, il est lié à des gens comme Bill Gates, il est lié à des intérêts extrêmement puissants, au Parti démocrate, bien sûr, aussi à Joe Biden, hein, la Maison-Blanche. Donc, évidemment, virer les agents d'influence de Soros du pays, ça suppose d'être dans une déclaration de guerre totale au système globaliste. Hein. Donc là, les Birmans, je dois dire, chapeau bas. Hein. Chapeau bas. Donc ce petit pays qui est très pauvre, hein, qui est très pauvre, très peu de ressources, eh ben, ils ont quelque chose qui leur tient beaucoup plus à cœur que le niveau de vie, par exemple, c'est la souveraineté nationale, la défense de leur nation, de leur culture, et d'empêcher des pilleurs internationaux de mettre en coupe réglée leur pays. Ouais, comme quoi, des pays pauvres, eh ben, ils peuvent vous donner des leçons de politique, quand même. Je trouve que ça, c'est à méditer, quand même. C'est à méditer. Hein. Et l'armée tient son rang, là-bas. L'armée tient son rang, contrairement aux nations occidentales, où l'armée n'est simplement que, je veux dire, c'est un service de mercenaires à la botte des multinationales aux mains de la finance juive internationale, hein. Ni plus ni moins. Hein. C'est ça qui se passe. Hein. Voilà, hein, quand typiquement la Libye, typiquement la Syrie, l'Irak, l'Afghanistan, voilà, hein, c'est ça. Hein. Mais vous avez qu'à remarquer, l'armée française ne défend pas la France en France. Hein. L'armée française ne défend pas les intérêts français en France. Hein. C'est pour ça d'ailleurs que les bouillous s'en donnent à cœur joie, hein. Autant pour moi, hein, mais c'est la réalité. Hein. Voilà. Donc, pour moi, à méditer. Quelqu'un voudrait peut-être... Je me demande si Macron va accorder l'asile diplomatique à Aung San Suu Kyi. Non, elle est entre de bonnes mains. Elle est surveillée de très près, puisque évidemment, c'est le problème qu'elle a, tu vois, c'est qu'ils en avaient fait la sainte de la démocratie dans ce pays. Et en fait, comme elle était quand même en fonction et qu'elle était bien évidemment parfaitement consciente des menées que commettaient les musulmans et les islamistes dans ce pays, elle a suivi le peuple dans l'expulsion de tous ces gens de Birmanie. L'armée, en fait, faisant la volonté du peuple sur ce dossier, hein, en réalité. Hein. Si vous intéressez au dossier, vous apprendrez en fait que le peuple avait commencé à s'en prendre violemment en fait à ces bougnoules qui faisaient chier tout le monde depuis, comme en France quoi, hein, qui faisaient, en France et ailleurs, hein, faisaient chier tout le monde. Bon, il y en avait marre, donc il avait commencé à avoir des commandeurs de violentes émeutes interethniques ou interconfessionnelles, mais interethniques aussi. Et l'armée, au bout d'un moment, voilà, a pris les choses en main, en disant « Bon, on va régler ça une bonne fois pour toutes, ça peut pas durer, quoi. » Et d'ailleurs, le clergé bouddhiste a aussi joué son rôle. Et d'ailleurs, c'était marrant, j'ai regardé un reportage là-dessus, il y avait un moine, il y en a plusieurs, hein, mais il y avait un moine qui appelait à la résistance contre l'islamisation. Et quand vous rentrez dans son petit monastère, dans la capitale, il a une, comment dirais-je, il a une affiche, une grande affiche de Napoléon Bonaparte avec une citation de lui. Je me rappelle plus laquelle, mais en gros, qui dit en substance que j'ai oublié l'essence de la citation, mais en quelque sorte que le mal ne parvient à prendre l'ascendant que si les hommes d'action ne reste l'arme au pied. Hein. Je me rappelle plus de la citation exacte. Et alors il citait, il dit, et c'est marrant parce qu'on l'interrogeait, il disait bah vous qui venez de France, vous avez qu'à regarder ce qui se passe dans votre pays, et nous on n'a pas envie de finir comme vous. Donc l'air de rien, l'image de la France à l'étranger, à l'international, y compris dans des pays pauvres d'Asie, elle a considérablement évolué, ce que les Français savent pas. Ah, je confirme. Hein. Ah ouais, et non seulement il est connu désormais que l'islamisation est massive en France, mais aussi que les ravages de cette islamisation ont profondément altéré l'équilibre social de la France. Donc c'est pas parce que les politiciens français et les médias français vous bourrent le mou H24 en vous disant l'amour, l'islam, la tolérance, tous ensemble, on s'adore, c'est pas parce qu'on vous bourre le mou en France que les gens à l'extérieur sont dupes. Hein. Eux, ils voient beaucoup plus clair, je dirais même que beaucoup d'étrangers voient beaucoup plus clair la situation française que les Français eux-mêmes. Les gens ne se rendent pas compte de ça. Et ce moine-là, ce moine bouddhiste-là, il citait la France en contre-exemple. Il disait, voilà, nous, on ne veut pas terminer comme chez vous, avec vos attentats, vos égorgements, tous ces musulmans qui menacent de semer le chaos et l'anarchie à tout moment. Nous, on veut pas de ça. Nous, on veut un pays où notre culture est protégée, où on vit selon nos coutumes, selon nos valeurs, c'est ce qu'on veut. Voilà. Et voilà. Et c'était très intéressant. Et ils vont jusqu'au bout et ils ont bien compris le rôle de cette ordure de Soros dans l'instrumentalisation, parce que les bougnoules sont instrumentalisés par Soros hein, et par les financiers juifs qui s'en servent comme, comme moyen d'agitation dans les pays qui veulent les stabiliser, hein, c'est ni plus ni moins que ça. Hein. Et ils passent à la phase suivante. Ce qui est typiquement le chemin à suivre. C'est comme quoi ces Birmans ont tout compris. Hein. C'est d'abord tu t'occupes du problème de l'immigration et ensuite tu t'occupes de l'origine du problème de l'immigration. C'est qui a créé le problème de l'immigration. Voyez, ou qui s'en sert, on va dire. Parce que, donc, évidemment, l'immigration musulmane en Birmanie était ancienne. Les Britanniques l'ont encouragée pour, évidemment, affaiblir les Birmans. Mais ensuite, aujourd'hui, les financiers juifs s'en servent à leur tour. Voire même essayent de l'amplifier. Voilà, donc, c'est un parcours sans faute pour la Birmanie, en ce moment. Voilà. Si quelqu'un veut rajouter un truc là-dessus ? Oui, Gandalf, oui. Moi, j'irais rajouter de toute façon que les peuples asiatiques, quand ils ont des problèmes, sont toujours très pragmatiques hein, et n'hésitent pas à épurer tout ce qui pose problème, hein, que ce soit la Birmanie actuellement ou Pol Pot au Cambodge, qui a nettoyé ethniquement son pays. Les Asiatiques sont très efficaces. Et aussi, bon, j'irais rajouter sur ce que tu disais, que l'image de la France s'est fortement dégradée. Il y a quand même des pays où, par exemple, ils voient que la France, à travers le football, ils croient que les Français sont des nègres. Hein. Oui. Enfin, ce qui commence à devenir le cas, hein, mais tu demandes, par exemple, dans des pays comme le Pérou, tu leur dis, vous pensez que les Français ressemblent à quoi? Ils vont vous répondre que nous sommes des nègres. Hein, c'est ce qu'ils pensent. Donc oui, l'image de la France change et se dégrade et, d'ailleurs, nos nouveaux concitoyens français font souvent des siennes à l'étranger aussi. Oui, voilà. Oui, c'est vrai. Pour ça, que ce soit, par exemple, c'était en Espagne, assez souvent, il y a des histoires de maghrébins ou de nègres qui violent des Espagnols, etc. Enfin, on rayonne à l'international, quoi. On rayonne à l'international, oui, ouais. Ouais. Pour pas parler des banlieusards qui vont en Thaïlande se faire plaisir parce qu'en fait, les putes sont pas chères. Et qui finissent photographiés par la police parce que trafic, parce que ceci. Et tu vois cinq nègres qui emmènent pas large d'ailleurs parce qu'ils ont compris qu'ils sont pas en France, quoi, tu vois. Je veux dire, parce que c'est ça. Hein. Les tôles en Thaïlande, c'est pas la même chose qu'en France. C'est pas l'hôtel 5 étoiles à Paris. Hein. C'est pas du tout la même chose. C'est pas du tout le même truc. Hein. Mais c'est vrai qu'ils font par. Enfin, je veux dire, les gens. Parce que les étrangers constatent. Comme nous, on le constate, hein, je veux dire, c'est la fameuse phrase d'Askolovitch, hein, le journaliste juif là, de l'Express, là, dit, la réalité ressemble étrangement à ce que décrit l'extrême droite. Bah oui, effectivement. Oui. Mais c'est vrai, quoi. Et donc. Alors déjà il y a ça, mais je pense que évidemment vous trouverez pas ça dans les médias français. Hein. Mais moi j'invite franchement les Français à méditer là-dessus. La France devient un contre-exemple à l'international. C'est notamment, enfin essentiellement sur les questions d'immigration, d'islam. De sécurité, etc. Et quand vous avez envie de dire tiens, qu'est-ce qu'il faut pas faire, bah les gens, bah, la France, tu vois. faut surtout pas qu'on devienne. Et vous regardez Macron, t'as l'impression que le type, enfin c'est fou ça, Macron, tu le vois, il parade comme si c'était comme si c'était Napoléon Bonaparte ou Louis XIV, quoi. Mais il a pas vu qu'il patauge au milieu des nègres, hein. Enfin, je pense qu'il a remarqué quand même depuis le temps, parce que bon, à force de les courtiser déjà, ne serait-ce que ça. Mais non, ça craint, je veux dire, ça craint. Et donc les Birmans, tu vois, les Birmans, ils se sont dit, tu vois, il faut vraiment pas qu'on termine comme les Français quand même. Donc la chute de la France, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est quand même quelque chose. Hein. C'est, on devient une cause de réveil national à l'étranger. Je sais pas si vous réalisez. Mais... Voilà. Bon, bah sur ces bonnes paroles, messieurs, je vous propose de nous séparer. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine.